Pierre Le Cercle, qui est aussi adhérent au SIRA, et par ailleurs prof de littérature, va nous causer de la littérature du 19e siècle, fin du 19e plutôt. Il est en marge de ça, éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle Place d'Armes. Peut-être que nous commençons par vous expliquer pourquoi ce nom particulièrement militariste. Donc, vas-y. Le nom militariste, c'est parce que j'ai remarqué que dans tous les villages français, il y avait une place d'armes. Je me suis dit, je serais chez moi partout, finalement. Il y a plein de villes, la plupart des petites villes ont une place d'armes. Oui. Partout, il y a une caserne, il y a une place d'armes. Non, il y a moins de caserne. Et donc, j'avais commencé, alors c'était en 2000. D'ailleurs, j'étais venu à Marseille à cette occasion pour faire plein de dépôts. Et puis, entre-temps, on s'est aperçu que Marseille a changé. Donc, avec un livre sur le rap, que j'ai fait, qui était le rap ou la révolte. Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait toute une complaisance un petit peu pour une sorte de degré zéro de la culture dans la révolte. Tout se passait comme si finalement la culture apparaissait comme étant quelque chose un petit peu handicapant pour avoir la révolte, et ça m'avait énervé. Et donc j'avais fait quelque chose là-dessus, j'ai diffusé, puis après je me suis dit, je vais continuer, pourquoi pas continuer avec Pelloutier. Donc j'avais fait Pelloutier, et puis comme par ailleurs, je suis un petit peu spécialiste de Mallarmé, je me suis dit, Mallarmé, il y a tout un tas de pseudo-déclarations de Mallarmé, parce qu'en réalité, il n'en a fait aucune sur les anarchistes. Mais à un moment, on disait, oui, Mallarmé, il a témoigné pour les anarchistes, c'est ce qui est vrai, mais il les appelait les anges de lumière. J'ai cherché partout, je n'avais trouvé cette expression de Mallarmé, les anges de lumière. Mais si t'es mal armé, t'es pas bien armé. Bah oui. Et donc, ça nous rapproche de littérature et d'anarchie, donc qui a fait l'objet alors d'une conférence à Saint-Igné avec Pelletier du Café sur la géographie. Et la conférence, on reprend des parties du livre Littérature et anarchie, qui tourne plus effectivement alors autour d'une part littérature et anarchie, et puis surtout autour de Mallarmé. Parce que mon objectif, c'est quand même essayer de comprendre un petit peu comment on pouvait articuler la notion d'anarchie et comment on pouvait articuler aussi la notion de littérature, surtout pour cette époque qui était tellement riche. En gros, le problème de la littérature anarchiste se pose à partir de 1890. Et 1890, alors surtout 1894, c'est l'année la plus importante pour l'histoire anarchiste, puisque 1994, quand même, c'est la période des grands attentats. Il y a tout un tas de grands attentats, il y a tout un tas d'exécutions. Alors, je vais t'amuser à relever, donc il y a surtout Émile Henry, Horace à la Madeleine, qui se fait péter avec la bombe. Il y en a un compagnon qui est resté, personne ne l'a retrouvé, mais c'était au domicile de l'abbé Garnier. Il a fait péter une porte, une fenêtre, je ne sais pas trop. Il y a l'attentat de Caserio, aussi, contre Sadi Carnot. Il y a l'exécution de Vaillant. Et surtout, il y a la troisième loi, c'est les rats. Donc, qui le procès des 30. Oui, et surtout le procès des 30. Et il y a eu alors au sujet de l'attentat et de l'exécution de Vaillant, donc c'était particulièrement intéressant, puisque peu de temps après, il y a eu Laurent Taillat qui dînait avec une dame dans un restaurant, et tout à coup, au restaurant Folliot, une bombe éclate, il était à côté de la fenêtre, il y avait un pot de fleurs, et probablement une bombe dissimulée dans le pot de fleurs, la bombe éclate, et ça lui a crevé un œil. Et quelques temps auparavant, pour l'attentat de Vaillant, donc, il avait fait une belle déclaration. C'est-à-dire que les journalistes lui étaient tombés dessus. Et puis, il y avait un dîner en même temps d'une revue qui s'appelle La Plume, qui faisait régulièrement des dîners. Et puis, il se trouve que le jour où il y a eu le dîner de La Plume, il y a l'attentat de Vaillant. Et donc, le rédacteur de La Plume a décidé de faire passer un papier parmi tous les assistants. Alors, il y avait Mallarmé, lui, qui s'est contenté de dire « Je ne connais d'autre bombe qu'un livre ». Ce qui prête pour la réflexion. Et puis, Taillat, donc, il fait sa déclaration. Qu'importe les victimes si le geste est beau, qu'importe la mort de vagues humanités si paraît sa firme d'individu. Donc, ça, c'est en décembre. Et peu de temps après, boum, l'explosion à Folliot qui crève un œil. Et tous les journalistes, donc, évidemment, ils sont là, ils attendent, ils disent il a soutenu les anarchistes, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il n'a rien dit. Il n'a pas fait de déclaration, il dit j'ai pas de peau, c'est tout. Et puis, ça s'est arrêté là. Et surtout, donc, 94, c'est le procès des 30. Et le procès des 30, dont il y a au moins deux personnages qui intéressent la notion de littérature. Il y a d'une part Félix Fénéon, qui était quand même un type qui était assez curieux, et d'autre part Mallarmé, qui Autant leur présenter Mallarmé comme étant extrêmement séparé de toute implication politique, autant voilà, pour une fois, il témoigne en faveur de Fénelon en disant non, moi je connais bien Fénelon, c'est pas du tout ça. Bon, c'est vrai que dans les lettres, il est révolutionnaire. Taillade ? Oui, je regarde un truc. Pourquoi j'ai dit une bêtise, non ? Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est notre vaillant qui a. C'était un total de Mallarmé. Hein. Non, c'est à l'occasion. L'attentat de Vaillant, c'est à la Chambre. Oui, c'est à l'occasion de l'attentat de Vaillant, c'est le 10 décembre. Il n'y a pas eu de mort. Hein. Non, mais c'est le 10 décembre 1993, à l'attentat de. C'était pas suite au terminus ? Non. Bon. Je crois, non, enfin, vérifie, mais bon. Oui. Et donc, 94, en plus, alors, il y a un autre problème qui est bien, pour commencer par 1994, c'est que c'est l'année d'une grande enquête sur l'anarchie qui est lancée par un journal, donc, qui s'appelle Le Journal, qui est le journal de Félix Xau. Et Félix Xau, c'est... Alors, Le Journal vient juste de paraître et commence en 1992. Et Félix Xau, c'est un type qui était assez rusé, qui était... Bon, c'est un bon entrepreneur. C'est lui, notamment, qui a fait venir Buffalo Bill à Paris, qui organisait la tournée Buffalo Bill. Et Félix Xau, il décide de lancer, alors, parce qu'il y a tout un contexte, hein, en même temps, bon, il y a, en 94, on se dit, bah, Vaillant va être exécuté, mais il a une petite fille, alors qu'elle va devenir sa fille, et il y a toute une organisation comme ça qui se met en place pour essayer de prendre en charge la fille de Vaillant, et dans la presse, il y a tout un tas d'articles, justement, sur la petite Sidonie, avec un aspect extrêmement larmoyant, et Félix Xau décide d'organiser une enquête sur l'anarchie de la littérature. Et cette enquête, alors, elle est intéressante parce que, donc 1894, et puis parce qu'elle nous permet un petit peu de comme si on posait un thermomètre en quelque sorte dans l'atmosphère littéraire, puisqu'il y a une autre grande enquête qui était très très importante au niveau littéraire, c'est l'enquête de Huret en 1891, et il essaie de recenser en 1891, son enquête s'appelle Enquête sur l'évolution littéraire, il essaye de recenser absolument toutes les tendances littéraires qui existent en 91. L'enquête paraît dans le Figaro, et il n'y en a aucune qui traite de l'anarchie. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors il aborde très très vaguement la littérature socialiste, mais il n'a pas du tout l'idée qu'il puisse exister une littérature qui soit faite par des anarchistes, une littérature anarchiste. Il évoque pas du tout, il évoque alors des littératures qui, pour nous, aujourd'hui, sont peut-être non existantes, mais il évoque la littérature des mages, il évoque la littérature des spirites, etc. Et puis bon, les symbolistes, les naturalistes, les réalistes, il essaie d'être complet, quoi, de prendre tous les courants. Le seul qui n'apparaît pas, c'est la littérature anarchiste. Et cette notion réapparaît donc simplement en 1894. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle apparaît, c'est-à-dire qu'elle apparaît un petit peu pour réactiver toute la querelle au sujet de l'anarchie, pour dire, bah, regardez quand même ces anarchistes, comment ils sont, ils font péter des bombes, ils font des morts, etc. On peut pas faire quelque chose de sérieux avec eux, et vous, romanciers, qu'est-ce que vous feriez avec les anarchistes ? Et ils n'arrivent pas du tout, Xau et puis le rédacteur d'enquête n'arrivent pas du tout à imaginer un seul instant que l'anarchie puisse être finalement quelque chose de créatrice, c'est-à-dire qu'il imagine simplement les rapports de l'anarchie de la littérature uniquement dans le cadre du héros romanesque. Il dit, ben voilà, les seuls rapports qu'il puisse y avoir entre littérature et l'anarchie, c'est si un littérateur un jour décide de mettre en scène un héros anarchiste. Qu'est-ce qu'il va en faire? Comment il va le traiter? Est-ce qu'il essaiera de susciter la sympathie? Et puis alors, tout de suite, dès que le problème est un petit peu posé, il y a tout de suite des levées de bouclier en disant « Ah, vous êtes fous, ne parlez surtout pas de l'anarchie, parce que vous voyez pas que ça rende l'anarchiste sympathique. Voilà que notre société, tout à coup, les gens seraient sensibilisés à l'anarchie, alors là, ça serait... Il n'y aura rien de plus terrible dans la société. Donc finalement, ils interrogent en plus que des gens qui sont des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'anarchie. Il y a juste un type qui après s'illustre un petit peu l'anticolonialisme, c'est Vigné Docton. Mais le reste, alors, Alphonse Daudet, Huysmans, rien à voir, hein, Alphonse Daudet et Huysmans, vraiment rien à voir. Dubut de la Forêt, Richebourg, de Montepin, Séard, c'était un naturaliste qui avait fait des choses avec Zola. Et Jules Clarity, qui était vraiment un écrivain très, très éclectique, mais aucun ne serait pas venu à l'idée tout de suite d'essayer de trouver un écrivain qui soit réellement anarchiste. C'est ça, non ? T'as raison, c'est valable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que, pour eux, et puis en même temps, ce n'est pas complètement idiot le point de vue, ils disent, mais on ne peut pas représenter un héros anarchiste parce que, de toute manière, c'est des fous. Donc à partir de là, ce serait plutôt faire une œuvre pour les médecins qu'autre chose. Et si on réfléchit bien, bah, c'est pas complètement idiot comme point de vue. Dans le sens où, effectivement, non, si on s'en tient à la méthode de construction de la réalité telle qu'elle est prônée par les naturalistes, ça suppose donc que l'écrivain, il va les voir dans les milieux anarchistes, il va essayer de comprendre comment ça fonctionne, il va essayer de voir les relations qui existent entre les gens, où ils se réunissent, etc. Zola, il fait un moment tout un chapitre là-dessus sur le, comment un naturaliste va peindre le théâtre, par exemple. Il explique qu'il va, c'est pas dur, si vous êtes écrivain, vous êtes naturaliste et vous voulez essayer de dépeindre le milieu théâtral, vous y allez. Et puis vous traînez, vous regardez à gauche, à droite, vous faites transparent si possible, et puis vous notez. Et puis une fois que vous êtes chez vous avec votre carnet, hop, vous essayez d'en mettre tout ça en forme. Et justement, le fait qu'il y ait des lois scélérates qui interdisent et qui rendent extrêmement dangereux la fréquentation des anarchistes, ça ruine complètement toute élaboration naturaliste donc de la réalité et puis de la compréhension des milieux anarchistes. C'est pour ça que le point de vue, finalement, de dire c'est tous des fous, il est justifié en partie aussi par les lois scélérates parce qu'ils n'avaient aucun moyen de connaître ce milieu. Un écrivain qui allait dans le milieu anarchiste avait toute chance de se faire poisser par la police. Non. Après, donc, pour essayer de comprendre cette notion, donc sans part du 194, son essai de remonter un tout petit peu avant. Il y a quelques écrivains quand même qui se sont illustrés, quoi. Alors surtout il y a une revue qui est importante et qui s'appelle Les Entretiens politiques et littéraires, qui était vraiment la revue qu'on a toujours considérée comme étant la revue, une revue qui était anarchisante, alors voire anarchiste, et quelques écrivains qui ont été importants. Alors, il y a un type qui s'appelle Camille Montclair, qui s'est engagé très très fort aux côtés des anarchistes, un autre qui s'appelle Gilles Griffin, donc, qui était aux entretiens politiques et littéraires, Rémy de Gourmont, alors pareil, c'est un type qui était lui très proche du Mercure de France, et qui était considéré vraiment pratiquement comme un des artisans de l'Union à un moment, des milieux symbolistes, c'est-à-dire c'était vraiment des milieux littéraires les plus importants de l'époque au niveau politique, et des milieux anarchistes. Et un autre, alors une figure qui est extrêmement attachante, et aujourd'hui il est un tout petit peu réédité, mais il est réédité un petit peu plus sur Internet, ses textes circulent plus sur Internet, c'est Adolphe Rété. Adolphe Rété, donc, qui a fait tout un tas de livres. Alors, c'est pratiquement illisible aujourd'hui, la poésie de Rété est pratiquement illisible, parce que cette poésie est très, très enfin, moi je trouve qu'elle est très difficile à lire, parce que c'est tout un monde qu'on ne connaît plus. C'est vraiment le monde symboliste tel qu'il existe à l'époque, et on ne connaît plus du tout ce monde. Enfin, on n'a pas du tout la même sensibilité. Rété, j'ai enfin de lire des extraits, vous allez voir que c'est lui qui a été probablement le plus loin. Alors, en tout cas, donc, si on commence par les entretiens politiques et littéraires, c'est une revue qui débute en mars 90 et qui va jusqu'à décembre 93. Il y a trois personnages qui sont à la base de cette revue, donc, et qui je vous dis encore une fois, c'est vraiment la revue qu'on apprend toujours pour illustrer ces rapports de l'anarchie de la littérature. Et les personnages qui sont à la base de la revue littéraire, donc c'est Viollet Griffin, Henri Drenier. Alors Henri Drenier, pareil, c'est des hommes dont on ne parle plus du tout aujourd'hui. Il y a un Bernard Quitigny, j'ai vu qu'il vient de faire un livre sur Henri Drenier. Il rappelle que André Breton l'appelait l'absurde Henri Drenier. Et apparemment, il avait une mâchoire qui était très très proéminente. Et tout le monde disait qu'il n'a rien derrière le crâne. Tout est à l'avant du crâne, il n'y a rien derrière le crâne. Et donc, et Paul Adam. Et alors, ce qui est curieux, c'est que de ces trois hommes, finalement, alors il y en a un qui se rapprocherait un tout petit peu de l'anarchie, qui est Paul Adam. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Paul Adam de nom, peut-être. De nom, oui. Ouais. Et Paul Adam, lui, alors, je ne comprends pas pourquoi on l'a toujours mêlé à l'anarchie, parce qu'on était les boulangistes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il suffit finalement de reprendre la critique anarchiste des institutions et de l'État, et hop, tout de suite, on se fait passer pour enfin, on arrive à se repasser pour anarchiste. C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion au niveau des principes. Paul Adam, donc, qui était vraiment reconnu comme étant anarchiste, alors qu'il a fait des thèses qui sont très très dures pour les anarchistes, anarchistes et le socialisme, il finit par dire finalement à la fin, bah, et c'est le seul point qu'on peut avoir de consolation, du bon socialisme c'est pas mal, l'anarchie c'est un petit peu supérieur, mais tous les deux c'est mieux. Il dit quand même que l'anarchie est supérieure au socialisme. Et aucun de ces trois hommes finalement n'a de passé, ni d'avenir, ni de présent, il n'y aura vraiment rien qui va toucher de près ou de loin l'anarchie, alors, si ce n'est quelques textes. Et excusez-moi d'être en retard, mais je viens d'Aubagne, il y a des travaux. Alors je n'ai pas pu être là. Salut Juliane. Bonjour. Assieds-toi. Alors, rien que quand on prend le titre de la revue, donc, Entretien politique et littéraire, déjà on peut déjà sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est problématique, puisque c'est entretien politique et littéraire. C'est-à-dire que le « et », finalement, il assure autant la séparation du politique et du littéraire qu'il essaye d'affirmer leur conjonction et puis leur unité. Et c'est un problème qu'on va trouver tout au long de la revue. C'est-à-dire que la revue, et c'est quelque chose qui est amusant finalement, c'est que dès qu'elle devient un petit peu politique, elle lâche la poésie, et dès qu'elle se rapproche de la poésie, elle lâche la politique. Et à aucun moment, ils arrivent vraiment à unir les deux. Il y a une déclaration qui est amusante et qui est très très curieuse. Alors, ça part de manière très molle, hein, les entretiens politiques et littéraires. Il y a des articles qui pourraient donner, encore une fois, dans une lecture très très rapide et très superficielle. Et notamment les articles de Paul Allemand sur le parlementarisme. On peut dire, bah, voilà, c'est un anarchiste, bah, il critique le parlementarisme. Et puis, quand il y a un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit, on se dit, mais il n'est pas simplement anarchiste, il est aussi antisémite celui-ci. Parce qu'il a tout un tas de déclarations contre la classe politique de l'époque et puis contre les juifs en disant, mais c'est à cause des juifs qu'on a joué la guerre avec l'Allemagne en 1870, ils n'arrêtent pas de nous foutre dans la merde, etc. Donc il a vraiment des déclarations qui n'ont rien à voir avec des idées anarchistes. Et donc au bout de quelques temps quand même, il décide de le faire au bout de 2 ans. Il végète un petit peu comme ça entre les deux avec des déclarations plus ou moins sympathiques ou plus ou jamais. Enfin, il y en a quelques-unes quand même qui sont contre l'anarchie à un moment. Par exemple, ils ne prennent jamais position pour le 1er mai. Pour le 1er mai, il n'y a pas une seule position, plus opposition des entretiens politiques et littéraires. Et pourtant, il y a fourmi. Et ils prennent pas position, il n'y a rien. Il y en a même un qui donne le 1er mai, finalement, ce serait une catastrophe si les ouvriers arrêtaient de travailler le 1er mai, parce qu'il faut au contraire, et c'est la thèse de Paul Adam, il faut au contraire qu'on travaille plus que les Allemands de manière à pouvoir prendre la revanche. Donc, allez, hop, travaillons tous le 1er mai. Donc, cette revue, quand même, encore une fois, c'est une revue qu'on a présentée et qu'on présente traditionnellement comme étant la revue vraiment phare de rapprochement de l'anarchie de la littérature. Et au bout de 2 ans, quand même, alors, parce qu'il y a des attentats, puis parce que ça crée vraiment toute l'atmosphère dans Paris, dans le milieu intellectuel, on se dit, bah, finalement, peut-être que les anarchistes avaient loin, que ça se mettait par terre. Donc, petit à petit, les hommes de l'ordre se rapprochent un petit peu. Mais il y a une déclaration, donc, de Viollet-Griffin. Alors, il dit, à un moment, il dit, voilà, je vais essayer de définir le caractère déjà sensible de cette publication. Et puis, mais ça ne va pas parce qu'on nous appelle « jeune revue ». Et puis il ouvre la critique, il dit, mais moi je ne suis pas d'accord avec le titre jeune revue. Tout le monde se dit, bah, il va s'en prendre systématiquement à l'adjectif jeune, puisque l'adjectif jeune, quand une revue débute, effectivement, dire que c'est une jeune revue, c'est vraiment une manière de stigmatiser, de dire, bah, en gros, c'est des jeunes littérateurs, ils ne connaissent rien, etc. Donc c'est normal qu'ils fassent des erreurs. Et lui, ce n'est pas du tout à cause de ça, c'est à cause du mot revue. Il argumente. Et je vous lis son argumentation. Pourquoi on ne peut pas parler de revue? Pourquoi les entretiens politiques et littéraires n'ont pas de chronique politique? Et on y cause avec agrément, persuasion et ironie. On y parle belles lettres, beaux-arts, musique ou démologie. On n'y déclame ni vers ni profession de foi. Et c'est la revue, encore une fois, présentée comme la revue phare de l'anarchie littéraire. Après, bon, elle se radicalise un petit peu et c'est là où on peut commencer un petit peu à s'interroger parce que alors, il y a des articles un petit peu plus tard de Quillard, il y a des articles de Reclus aussi, et ils vont publier aussi quelques pages de Bakounine, et notamment de la question de l'État et sur la commune de Bakounine. Donc, c'est le seul moment où effectivement elle commence un petit peu à se radicaliser. Et puis un petit peu plus tard, alors à partir de janvier 1993, c'est pratiquement la fin de la revue, donc elle est rachetée par un type qui lui décide d'axer beaucoup plus sur un caractère politique, et du coup le caractère littéraire disparaît complètement. Et ils en viennent à publier donc des vers de Paul Claudel. Donc même Paul Claudel, bon, même si on se dit, oh, Paul Claudel était important à ce moment, c'est vrai qu'il a fait un modèle de vers tout à fait particulier, le petit versiculé de Claudel, bon, c'est vrai que c'est particulier, mais c'est pas quand même révolutionnaire, quoi, et puis il n'y a pas réellement de déclaration de contenu réellement révolutionnaire. Donc, par cette revue, déjà, on a une idée quand même du caractère problématique de l'union des lettres et de l'anarchie, donc qui est vraiment dans les meilleures années qui existent, et dans les années où on n'arrête pas de parler justement d'un rapprochement des hommes de lettres et de l'anarchie. Un écrivain qui a été vraiment à la pointe aussi, et qui est Camille Mauclerc. Alors Camille Mauclerc, il est un tout petit peu plus connu, mais aujourd'hui c'est pareil, alors c'est un type qui a complètement disparu, et quand on regarde pourtant le catalogue de ses œuvres à la Bibliothèque nationale, il y en a 3-4 pages, hein. Il est extrêmement prolifique. Il présente une caractéristique qu'on retrouvera chez nombre d'écrivains qui sont rapprochés à un moment de l'anarchie, c'est-à-dire qu'il devient fasciste. C'est-à-dire que Mauclerc, à la fin de sa vie, il se rapproche de. Alors il est anti-britannique, et puis quand les Allemands sont là, il collabore à toutes les revues justement de collaboration. Et bien il meurt finalement avant d'être jugé. Donc on ne sait pas trop ce qu'il aurait dit. Et à partir des. J'ai essayé de lire ses œuvres qui sont un petit peu délicates. Et c'est à partir, il semble qu'il devienne vraiment de droite, puis à partir des débuts du XXe siècle, et c'est à partir de la peinture, à partir de l'expressionnisme, enfin tout à, il aimait bien les impressionnistes. Et tout ce qui critique les expressionnistes, il ne supporte pas. Il remarque qu'effectivement, il y a plein de peintres étrangers qui sont expressionnistes, et puis il remarque que toutes les œuvres de ces expressionnistes, et puis de tout le courant, les faux, etc., tout ce qui viendra après, c'est vendu dans des galeries. Et il dit, les galeries, c'est pas dur, c'est tenu par les juifs. Donc c'est à cause des juifs, et il fait toute une... Il y a deux volumes quand même sur les métèques et l'art. Et il dit, si notre art n'est plus bon, finalement, c'est à cause des métèques et des marchands, etc. Donc c'est un thème, ça qu'on trouvera amplement après dans l'entre-deux-guerres. Il a fait toute une campagne là-dessus, donc au Figaro, à partir des années 25-28. Et Mauclerc, alors, quand il était jeune, donc à 20 ans, il collabore à la revue littéraire, à l'Andor, qui est la revue de Zolaxa, et il écrit un article en 92. Alors je vais vous lire, il est un petit peu long, mais je vais vous lire parce qu'il est intéressant, il donne vraiment bien l'idée de la conception des écrivains par rapport à l'anarchie. Théoricien du beau. Nous puisons en cet amour même des idées pures le sentiment d'une anarchie. En face d'un gouvernement despotique, notre impatience du joug et notre haine nous dressent. En face d'un pouvoir constitutionnel où les responsabilités se divisent et s'atténuent, notre ennui nous érige. En face d'un socialisme partageur et tyrannisant l'individu sous le droit de la masse, notre conscience de personnalité supérieure nous soulève. Si notre sentiment de justice nous pousse à réclamer pour les misérables la part de bien-être qui leur est déniée, la réflexion nous montre qu'un état social où tout droit et devoir seraient égaux nous constituerait une irrespirable atmosphère d'ennui et de dégoût, nous soumettant d'ailleurs au plus insupportable esclavage moral, nous, les fiers de notre force. C'est quand même étonnant que ça apparaisse dans une revue qui est l'en dehors. Alors, grave, il dit qu'il faut prendre des gants quand même avec l'en dehors. Ce n'est pas vraiment une revue anarchiste, que c'est une revue surtout individualiste, mais que l'anarchie n'est pas toujours dans l'en dehors. Mais en tout cas, il écrit ça dans une revue qui, à l'époque, s'appelle la revue libertaire et qui, après, deviendra la revue anarchiste. Et finalement, on voit une tendance, et ici, je pense que vous l'avez vu dans l'extrait que vous avez lu, pour eux, c'est simplement une posture mentale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de social. L'anarchie, pour eux, c'est simplement, et c'était pareil aussi un moment pour Paul Adam, c'est simplement une posture mentale, une attitude par rapport à la vie, mais ça n'a plus rien de social. On n'a plus à voir avec l'exploitation, avec le travail, avec rien du tout. C'est simplement, nous les fiers de notre force, on est au-dessus des autres, et puis de toute manière, surtout pas socialisme, surtout pas d'égalité, parce que justement, ce serait à remettre tout le monde au même niveau, et du coup, on perdrait complètement toute originalité. Et c'est une posture esthétique, non ? Ah oui, c'est une posture complètement esthétique. Et un petit peu plus tard, alors en octobre, cet extrait de 92. Un petit peu plus tard, en octobre 93, donc dans la revue anarchiste, là, il écrit qu'il voit en elle, ou qu'il voit en anarchie, donc, moins une réforme sociale qu'une orientation nouvelle de l'éthique. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a vraiment plus rien de social. Et il y a plein d'écrivains, donc Paul Adam, c'est pareil. Paul Adam, à un moment, alors, il dit, j'ai juste voulu lire parce que les marrantes, sa déclaration. C'est alors, il parle des jeunes hommes littéraires qui se rapprochent de l'anarchie, littérateurs qui se rapprochent de l'anarchie. Ces jeunes hommes d'intelligence puisent dans leur seule imagination la certitude d'une nécessité de réforme générale. Et leur engouement pour l'altruisme actif n'est d'une considération purement théorique. Pour eux, l'anarchie donne au plus une touchante et gracieuse idée esthétique. Donc ça amène à réfléchir, ça. Alors on se dit, bon, bah, c'est pas avec lui, et pourtant, encore une fois, c'est vraiment un homme qu'on a présenté comme étant celui qui avait été le plus loin dans les rapports de littérature et d'anarchie. Il a fait un livre, alors qu'on peut, je pense qu'il doit être ici dans la bibliothèque, qui est Le Soleil des Morts, où il met en scène justement, alors, et c'est un livre qui est intéressant parce qu'il essaie de mettre en scène le milieu symboliste, alors essentiellement autour de Mallarmé. Tout est autour de Mallarmé, autour de Passion Mallarmé à la Fontainebleau, et tout autour de la petite maison de Mallarmé, des discussions, etc. Et le milieu anarchiste d'un côté. Et il y a des, alors, je n'ai pas noté, mais il y a des déclarations qui font frémir, qu'on a écrit ça en 1898. Il y a des déclarations sur les anarchistes qui font frémir, on se dit, mais comment a-t-il pu être proche des anarchistes après tout ce que, et dire tout ce qu'il dit ensuite, 5 ans après. Et c'est une constante, il semble que ce soit une constante des hommes de lettres. Et c'est quelque chose qui est curieux parce que tous les peintres, tous les artistes plasticiens qui sont rapprochés de l'anarchie ont été extrêmement fidèles. Alors que les littérateurs ont été tout à fait infidèles. L'anarchie, ils ont tourné Kazakh et ils ont été extrêmement ingrats après par rapport à tout leur engagement politique. Les poètes, Jean-Luc. Oui, oui. Alors, le deuxième donc, est vraiment présenté comme un débat de l'union des anarchistes et de littérature, parce que c'était vraiment le théoricien à l'époque du symbolisme, c'est Rémy de Gourmont. Et Rémy de Gourmont, alors, il est peut-être un peu plus connu parce qu'il a au moins laissé deux petites œuvres qu'on lit encore aujourd'hui. C'est d'une part le joujou patriotisme et d'autre part la fête nationale. Alors le joujou patriotisme, donc, dans lequel, comme son nom l'indique, donc, il se met du patriotisme en 91 et la fête nationale en 92. Et il y a un journaliste qui fait un article là-dessus. Alors, Rémy de Gourmont était bibliothécaire et à la Bibliothèque nationale. Et il y a un article, je crois que c'est Fouquier, dans le Figaro, qui fait un article sur Rémy de Gourmont en disant qu'est-ce que c'est que ce zozo-là. Il est fonctionnaire et puis il fait un article contre l'armée. Ce qui fait qu'après, il y a des poursuites contre de Gourmont, il a perdu son emploi à la Bibliothèque nationale. Donc, de fait, il était approché par les anarchistes. C'est une affaire qui, à l'époque, a vraiment fait du bruit. Hein. Un fonctionnaire qui critiquait l'armée, donc qui est viré après à la suite d'une décision disciplinaire, ça a vraiment fait du bruit dans le landerneau littéraire, dans le landerneau politique. Et du coup, ben, il est évidemment approché après de Gourmont par les antipatriotes. Les antipatriotes. Hein, J'ai juste trouvé un rapport dans les archives de la police, mais manifestement, les policiers ne lui font pas confiance à de Gourmont. Ils se rendent compte que c'est un littérateur, ils n'étaient pas si bêtes que ça. Quoi. Les policiers se rendent compte que c'est un littérateur et qu'il ne fera pas grand-chose. Et les antipatriotes le pressent de faire des articles pour un journal antipatriotique qui, d'ailleurs, ne verra jamais le jour. Et, alors, il y a une petite, dans la conférence de Peloutier, à un moment, j'ai trouvé un signe que vraiment ça fait du bruit, cette histoire. Il y a une allusion très très discrète à de Gourmont. À un moment, Peloutier parle de littérature et puis il évoque ces hommes de lettres, justement, qui se moquent de tout, mais qui, en réalité, ne se moquent pas de la célébrité que la bourgeoisie pourrait leur donner. Il évoque, de Gourmont, à un moment, parle du petit doigt qui fait tomber la cendre du cigare. Et il reprend l'image, Peloutier. Donc, signe que vraiment, c'est quelque chose qui a fait du bruit. Et alors, après, donc, dans les revues, par contre, qui étaient beaucoup plus proches des milieux anarchistes comme L'Enclos, qui était vraiment, et L'Art Social, qui étaient des revues qui étaient très très proches des milieux anarchistes, et qui étaient, Peloutier, par exemple, a écrit dans L'Enclos et dans L'Art Social, et il a fait paraître son étude sur le corporatisme, je crois, comment ça s'appelle ? Ah, c'était édité avec Yvetot. Après, je ne me rappelle pas, en tout cas, un petit truc sur le syndicalisme révolutionnaire et le corporatisme, je crois. Et, donc, qui est paru après dans l'art social ou alors dans l'emploi, je ne me rappelle plus. Enfin, les deux revues se suivent. Et Gabriel de la Salle, donc, quand il voit ça, il dit quand même, il se fout de nous, quoi, de Gourmont, pour une attitude lui aussi très hautaine, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est plutôt essayer d'aller justement vers les salariés et puis de les faire lire, de faire des réunions et puis. Il reprend vraiment l'attitude, lui, l'éducation. Et de Gourmont, alors, j'ai juste vous lire un petit extrait, vous allez voir, si vous comprenez quelque chose, vous me direz. Alors, non. Pour de Gourmont, l'idéalisme. Alors, tout part donc de l'idée, les poètes symbolistes sont des poètes idéalistes, et l'idéalisme, donc, après, s'oppose au matérialisme de la société. À partir de là, bah, qui se dit idéaliste est dit nécessairement contre la société. Qui se réclame de l'idéalisme se réclame en gros d'une position contre la société. Et alors, Donc pour de Bourbon, l'idéalisme sur lequel se fonde la pratique littéraire des symbolistes ne saurait admettre qu'un seul type de gouvernement, l'anarchie. Déjà qu'un seul type de gouvernement d'anarchie, c'est un petit peu... Alors, il poursuit, et puis alors grave, il n'arrête pas de faire des gorges chaudes sur le vocabulaire de Bourbon. Non. Si l'idéalisme pousse un peu plus avant dans l'analyse de sa théorie, il admettra encore, avec la même logique, et avec plus de complaisance, la domination de tous par quelques-uns, ce qui, d'après l'identité des contraires, est spéculativement homologue et pratiquement équivalent. Donc la domination de tous par quelques-uns est pratiquement homologue et équivalent au gouvernement de l'anarchie. Et il continue, l'idéalisme engage au désintéressement absolu de la vie sociale. Ou bien, si on descend à la pratique, l'idéalisme conclut à l'anarchie, pour que l'influence intellectuelle soit exercée par ceux qui sont nés pour cette fonction, au despotisme. Et c'est quand même étonnant, parce que, mais je vous assure qu'il est présenté comme étant un des meilleurs représentants de l'Union, un des meilleurs artisans, finalement, pour essayer d'unir les lettres et l'anarchie et le symbolisme, surtout à l'époque, qui était quand même un petit peu moribond déjà. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a plus rien de social. Donc, il y a à nouveau une pause, mais il n'y a plus rien de social, il n'y a plus réellement quelque chose qui va concerner le monde concret, le monde du travail, etc. Et de Gaumont, alors, il a tourné Cazac relativement vite, puisque en 96, alors, il présente un livre d'Adolphe Rété, qui, en le présentant, Émile Gourmont affirme que dans 30 ans, les déclarations de plusieurs déments ou faibles d'esprit, les rêvasseries de Sébastien Faure, n'intéresseront plus que la pathologie mentale. L'état d'esprit anarchiste, de l'optimisme anarchiste, ne sera peut-être connu que par similitude. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il renverse complètement la perspective, dire, ben voilà, l'anarchie est condamnée à disparaître, et c'est la littérature, finalement, qui va sauver la vision du monde anarchiste, mais elle la sauvera simplement pour les cabinets de pathologie, quoi, pas pour autre chose. Et, alors, un petit peu, juste quelques mois plus tard, il s'amuse sur le congrès du monde islamique des anarchistes, au congrès du monde, mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux qui n'arrêtent pas de s'engueuler, etc. Il parle de mascarade socialiste. Et puis un petit peu plus tard, en 1901, toujours dans le Mercure de France, il estime que la maxime chrétienne, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, est tout à fait anarchiste. Et parce que Dieu étant défini, mineur d'un syllogisme, comme l'agrandissement et la projection d'une manière personnelle de sentir. Donc on est vraiment dans la confusion la plus complète, mais encore une fois, enfin, c'est un monde de confusion. Peut-être c'est ce qui ressortira tout à l'heure de la discussion, mais je trouve que ça n'a pas changé, quoi, par rapport à l'engagement des intellectuels dans la chute. Je trouve que ça n'a pas fondamentalement changé. Et l'autre personnage, donc, alors qui est plus intéressant et en même temps qui est très très curieux, c'est Adolphe Rété. Adolphe Rété, lui, alors, c'est un ancien militaire. Et militaire, donc on peut se dire, mais comment ça se fait, comment fait-il pour revenir à l'anarchie? Alors il ne le dit pas, comment il en vient à l'anarchie, mais simplement, alors, après on sent vraiment le militaire, parce que dès qu'il y a des émeutes et dès qu'il sent l'odeur de la poudre, il perd tous ses moyens, il a envie de tirer au fusil, il y avait des émeutes au quartier latin, et alors il était blessé, il était tout content d'être blessé, etc. Mais il n'explique pas réellement comment il en est venu à l'anarchie. On sait juste qu'à un moment, il avait une fille qui était très très pauvre avec une femme. Est-ce que c'est à partir de là qu'il en est venu à l'anarchie? Il ne le dit pas vraiment. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'alors, militaire, anarchiste, et puis il écrit quelques articles, notamment sur l'Union libre et puis sur contre le mariage. Et puis, un jour, il y a un couple qui vient de voir, il fait une réunion en banlieue, je crois. Il y a un couple qui vient le voir et puis il apprend que, bon, je ne m'en rappelle plus exactement, ils ne sont pas mariés, enfin il y a eu tout un tas de difficultés. Et il n'arrive pas à prendre position, il n'arrive pas à leur dire, bah oui, effectivement, le mariage c'est de la connerie, il ne faut pas se marier, etc. Et puis ça tombe dans sa tête, et puis il sent extrêmement coupable, finalement, d'avoir dit des choses, peut-être qu'il pouvait attirer des ennuis aux gens, et puis alors, il revient petit à petit sur ses positions, et puis alors, il quitte l'anarchie, il se rapproche des gaullistes. Qui est quand même le pire pour les gaullistes à l'époque, c'était vraiment un esprit extrêmement étroit et borné. Et puis, comme ça ne lui suffit pas non plus, quelques années après, il explique, alors il a une belle expression, c'est à la suite de l'attentat de Sissi, impératrice d'Autriche. Là, oui, il culpabilise de plus en plus, il dit, mais tout ce que j'écris sur l'anarchie, finalement, cette pauvre impératrice, qu'est-ce qu'elle elle méritait pas de subir un tel attentat, c'est de ma faute, c'est la faute des intellectuels, tout ça, donc il se recule encore plus à l'anarchie, et voilà qu'un jour il est touché par les javelines d'or de la grâce. C'est-à-dire qu'il tombe en religion. Et ce qui est amusant, c'est que les curés n'en veulent pas, en fait. Il essaie, mais des années après, jusque dans les années après-guerre, il essaye de rentrer comme moine, et les moines estiment qu'il n'est pas encore prêt. Il n'arrive pas à prononcer ses vœux, ils n'en veulent pas. Et c'est lui qui a été le plus loin, c'est lui qui a essayé de comprendre le mieux justement les rapports de l'anarchie de la littérature. Alors, je vais vous lire un extrait, encore une fois, c'est un extrait qui est assez long, mais qui pose vraiment bien le problème. Non. Rien de plus curieux que les revirements de cette caste bourgeoise, la gens de lettres. Naguère, alors, naguère, c'est apprendre dans le sens, il n'y a guère, aujourd'hui on en a un peu la pub, mais là c'est vraiment encore hier. Naguère, comme il était bien porté de se donner des allures subversives, beaucoup de la jeune littérature prônait volontiers l'anarchisme, réclamait la révolution. Bientôt, à cause de certains incidents bruyants et justifiés, cette ferveur tomba. Il devenait impolitique d'afficher de telles explosives opinions. Alors, la plus grande prudence remplaça cette mode de se dire révoltée. Les plus adroits insinuèrent qu'on allait trop loin, que l'aristocratie de la pensée ne pouvait admettre aucune alliance avec les grossières revendications d'un imbécile prolétariat, que l'anarchie, bonne en tant que prétexte à dilettantisme, ne valait rien en application, que les intellectuels se devaient de vivre dans le monde supérieur de l'art. Donc, à partir du moment où il dénonce tout ça, on peut se dire, bah, voilà un homme qui nous intéresse plus, celui-ci, puisqu'il est capable de dénoncer justement tout ce qui se passe dans ce milieu littéraire. Alors, bon, ce qui est important, c'est le mot dilettantisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, les anarchistes, on verra tout à l'heure, avaient tendance à traiter tous les hommes de lettres qui se rapprochaient un petit peu d'eux de dilettantes en disant, bah, vous êtes dans la sphère des idées, nous on est dans la réalité, vous êtes des dilettantes, quoi, pour vous, c'est vraiment du loisir et c'est de la rigolade. Et en 1923, donc, il revient sur ses positions, il réexplique tout ça, et il parle de l'individualisme. Et l'individualisme, effectivement, alors, c'est vraiment le cœur du problème à cette époque. Et il dit, ben, finalement, l'individualisme, c'était le principal défaut des symbolistes. Et il continue, il présentait donc un individualisme si accusé, si ombragé, qu'il en résultait que chacun suivait sa voie sans adhérer à une doctrine commune. Nous savions ce que nous ne voulions pas, nous ne savions pas ce que nous voulions. En somme, le symbolisme fut un groupement anarchiste, toujours sur le point de se dissoudre. Donc là, du coup, il voit le rapport des symbolismes et de l'anarchie, uniquement dans leur mode de fonctionnement, et ben voilà, c'est pas finalement, peu importe qui se mêle de la réalité ou non, ils ont simplement un fonctionnement anarchiste. Dans la littérature, et particulièrement chez les symbolistes, l'individualisme sans frein présentait trop d'affinités avec l'anarchisme pour que celui-ci ne conquît pas des adeptes. À l'époque, effectivement, alors, il y a toute une querelle donc, dans le milieu anarchiste, parce qu'il y a le syndicalisme révolutionnaire qui commence vraiment à prendre de fortes positions. Et d'un côté, donc, on a tout ce qui est collectif, de l'autre côté, l'individualisme. Et c'est là où la grande guerre commence entre les individualistes et puis tous ceux qui sont plus pour des solutions de nature collective. Et Rété, donc, alors, à partir de là, il dit, ben voilà, il ne peut pas y avoir de programme littéraire. C'est impossible qu'on arrive à trouver un programme littéraire qui soit valable pour tout le monde. Il explique, quand il va, oui, effectivement, on a tous un tempérament différent. Donc, on ne va pas suivre des mêmes idées comme pouvaient faire, les anciens littérateurs. On va tous s'assumer, on va tous essayer d'exprimer ce qu'on a au fond de nous. Et à part, il réfléchit à partir de là, il se dit, mais finalement, les outils dont on dispose ne nous permettront pas une telle expression. On ne peut pas utiliser des outils qui nous sont imposés. Et à partir de là, il dit, bah, le seul outil qu'on peut utiliser, c'est le vers libre. Et voilà que tout à coup, il fait exploser complètement, alors c'est pas le seul, hein, mais en tout cas, il fait exploser complètement toutes les contraintes du vers qui était le vers mesuré, le vers de 12 syllabes ou de 8 syllabes, avec les rimes, avec la majuscule, etc. Et il décide, lui, il dit, bah, si on veut vraiment assumer jusqu'au bout une pratique littéraire qui soit anarchiste, c'est-à-dire si on veut s'exprimer complètement nous-mêmes en tant que tel et revendiquer notre individualisme, le seul problème, le seul outil dont on dispose, c'est le vers libre. Et puis alors, il continue et il a préfacé des œuvres, mes souvenirs sont moins, il a préfacé des œuvres de Bakounine. Donc il connaissait bien quand même tous les problèmes que pouvait poser éventuellement une praxis anarchiste. Et il continue, il dit, mais finalement, c'est pas encore suffisant, le verre libre. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant, parce que moi, mon bonheur, et ça, c'est vraiment une idée qu'on retrouve chez Bakounine, dis-moi, je peux pas... Bon, c'est vrai que je pourrais m'exprimer avec le verre libre, mais je pourrais pas complètement m'exprimer, parce que je vois autour de moi des gens qui sont malheureux. Et je ne pourrais pas être réellement heureux, je ne pourrais pas avoir une pleine expansion en moi, à partir du moment où d'autres sont malheureux. Donc le malheur des autres va me conduire à renverser la société pour que, enfin, je puisse me servir d'un instrument qui me permette réellement de m'exprimer authentiquement. L'authenticité du ver libre pour été conduit nécessairement à renverser la société. C'est-à-dire que pour lui, à un moment, l'engagement politique est vraiment un moment de son élaboration politique. On a l'engagement, il pourrait continuer à utiliser un ver libre sans engagement politique, mais il manquerait quelque chose. Et lui, l'engagement politique est vraiment un moment, il n'y a pas d'œuvre politique qui soit concevable pour Rété sans engagement politique à un moment ou à un autre. Et la reculé, ce qui le rend sympathique malgré tout, c'est qu'il n'a pas du tout reculé devant cet engagement politique. C'est-à-dire qu'effectivement, il a insulté les magistrats, il est en prison, et puis bon, quand il y avait des barricades au quartier latin, il a été utilisé un petit peu, je crois, parce qu'en tant qu'ancien militaire, il savait aller au combat de manière à peu près disciplinée, et donc du coup, les grandes manifestations qu'il y avait au quartier latin, c'était à cause de y a une histoire avec les étudiants des Beaux-Arts, je crois. En tout cas, bon, il y avait de grandes émeutes et il y a réellement participé. Donc il ne recule pas, il va. Et c'est vraiment toute une atmosphère qui fait qu'à un moment, il s'éloigne effectivement de l'anarchie et puis qu'il tourne complètement kazakh. Vous voyez que dans les années... Juste, je vais vous lire une fois qu'il a terminé son élaboration, à partir du ver libre, à partir de le nécessaire engagement politique, il poursuit, il dit, alors, pourquoi ne pas définir ce mouvement l'art anarchiste? Anarchiste, notre art l'est essentiellement, car individualiste et de solidarité. On retrouve bien les deux tendances en lui, c'est individualiste, je m'exprime, et de solidarité, je ne peux m'exprimer que si, effectivement, en même temps, j'essaie de combattre pour les autres et si j'essaie de faire en sorte que notre société soit plus égalitaire. Donc c'est à peu près dans les années 1890-1892. Alors, donc on est parti du journal 1894, on voit qu'en réalité la notion est un tout petit peu antérieure. Moi je m'étais dit, le seul moyen de voir finalement, c'est qu'à l'époque, comme les anarchistes quand même, Dieu sait s'ils ont été surveillés, si j'allais voir dans les archives de la préfecture de police. Il y a plein de trucs effectivement sur l'anarchie littéraire, alors en même temps c'est délicat parce que les policiers, alors ils surveillent, ils n'arrêtent pas de surveiller, ils vont dans les réunions, ils vont en représentation théâtrale, et puis il y en a qui dit qu'il y a tout un tas... Il y a tout un tas de rapports, alors, surtout par rapport à l'auteur de Zotaxa. Je vous en lis un parce que, pareil, il est marrant celui-ci. Alors, pas seulement marrant. L'idée anarchiste a fait de réels progrès. Elle est acceptée et propagée par nombre d'hommes que leur passé, leur éducation et leur fréquentation semblaient peu destinés à un tel aboutissement. Ce n'est pas parmi la classe ouvrière qu'il faut aller chercher de nouveaux anarchistes, mais parmi la classe des jeunes lettrés, et même celle des lettrés d'âge mûr. Monsieur Octave Mirbeau étant un des plus dangereux anarchistes dans cet article, le père pénal lui-même. Messieurs Paul Adam, Georges Darien et consorts, plus de 20 qu'on pourrait nommer, sont devenus des anarchistes littéraires, autrement sérieux que tous les antipatriotes de Saint-Denis réunis à ceux de Clichy. Là, c'était vraiment la grosse guerre d'un samedi Clichy, c'était vraiment les durs de dur. Les revues littéraires, les livres publiés sont remplis de développement de l'idée anarchiste. Et puis, il évoque un petit peu la révolte de Jean Graff, qui était vraiment le journal qui était celui qui paraissait le plus régulièrement. Un grand nombre d'écrivains français et étrangers y sont abonnés, ce qui permet de dire qu'il n'a pas été sans influence sur l'évolution de la jeune génération des gens de lettres que l'on a signalé au début. Et deux journaux, alors dont un qui est ici, mais qui est nulle part ailleurs, sauf à Amsterdam, et le pot de colle. Donc j'ai cherché pendant des années, et il y a aussi Rat de Marseille. Et il explique, donc le rapport de police explique qu'aujourd'hui, donc, tous les jeunes écrivains vont au pot de colle c'était le journal des ébénistes. Il y avait deux journaux, donc le pot de colle et le Ruffard. Et comme les écrivains n'avaient pas accès vraiment aux grandes publications, du coup ils se réfugiaient dans des publications qui étaient éducations, qui étaient professionnelles et puis des corporatistes. Et donc ils faisaient alors... Les pots de colle. Et donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est à partir de ce d'accès, à partir de l'en dehors, donc les policiers essayent de trouver, essayent de déterminer de plus près ce qu'est l'anarchie littéraire, avec cette petite ambiguïté quand même qu'à l'époque, littéraire, ça a un double sens. C'est pas simplement pour nous aujourd'hui, quand on dit littéraire, c'est vraiment, on a l'idée roman, poésie, etc. Alors qu'à l'époque, littéraire, c'est tout ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'un philosophe, c'est un littérateur, quelqu'un qui écrit sur le droit aussi, c'est un littéraire. La catégorie, le mot est beaucoup plus grand, beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Et ils essayent, donc les policiers sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, quand même que ça remue dans le monde littéraire, et ils essayent de trouver la place de cette anarchie. Alors, ils la mettent entre l'anarchie des estampeurs, des filous, et le courant qui veut pénétrer dans les syndicats. Et ils disent, bah, au milieu, il y a les sceptiques, littérateurs, genre Andorre et autres. Et c'est parce que, alors, il y avait tout un mouvement qui était amusant en même temps, c'est qu'il y a tout un tas de compagnons qui ont compris très très rapidement qu'ils arriveraient à tirer profit de l'idée de la littérature anarchiste. Et ils allaient voir, alors notamment, il y en a une qui a pas mal payé, qui est la Duchesse d'Uzès. Ils allaient voir la Duchesse d'Uzès et ils disaient, bon, j'ai envie de faire une revue littéraire. Et là, il revenait 2-3 jours après, alors vous voulez bien m'aider pour la revue littéraire. Et il faisait comprendre petit à petit que finalement, bah, si la Duchesse d'Uzès n'aidait pas, probablement qu'elle aurait une bombe. Ils arrivaient comme ça à extorquer tout un tas de trucs. Ce qui fait que ça donnait aux policiers une idée qui est complètement fantaisiste de ce qu'était la littérature anarchiste. Ils sont plus sur les filous, les estampeurs. Et leur arrive malgré tout de découvrir alors vraiment des hommes de lettres. Et, Il y a un rapport qui est amusant. Il y a un policier, donc, un mouchard qui est très très proche de Zodaxa, apparemment, mais c'est ce que les agibeurs, j'ai pas réussi à l'identifier. Et alors, il est au courant de toutes les réunions qu'il y a, de toutes les réunions avec quelques hommes de lettres qu'il y a à gauche à droite. Les policiers savaient, hein, on retrouve dans les archives de la police, par exemple, parce qu'ils allaient régulièrement, ils faisaient des saisies chez Grave. Grave a été saisi des dizaines de fois, et ils piquaient les cahiers d'abonnés. Donc on connaît comme ça, dans les acheteurs collecteurs, il y a toute la liste des abonnés, de la révolte, des temps nouveaux. Et le policier arrive à découvrir tout à coup qu'il va y avoir une réunion avec quelques hommes de lettres. Et donc alors d'abord ils se font gueuler parce qu'ils ne ramènent pas grand-chose. Il y en a qui dit « On n'est pas encore assez familiarisé avec le milieu anarchiste littéraire pour recueillir des renseignements précis. » Donc ça c'est 1994. Et enfin, il arrive effectivement à pénétrer ce milieu littéraire. Il écrit alors, à cette réunion, assisteraient les dénommés ci-après. Donc il y a une réunion qui est prévue, assisteraient les dénommés ci-après. Alors, Octave Mirbeau, Pierre Kropotkine, Marc Stéphane, Élisée Reclus, Auguste Hamon, Lucien Descartes, Max Bure, Jean Jalbert, Élie Reclus, Adolphe Rété, Hérode, Fortuné Henry, Jean Grave, Chauguy, Charles Albert, Paul Adam. Sur ces 15 individus, je n'en connais de nom que 5. Ce sont Élisée et Élie Reclus, Kropotkine, Fortuné Henry et Jean Grave. Mmh. C'est-à-dire que tout le reste, finalement, ils étaient extrêmement démunis pour arriver à sourire les milieux littéraires. On ne peut pas trouver grand-chose chez eux parce qu'en réalité, ils ne connaissaient pas du tout le milieu littéraire. Mmh. Et c'est une autre constante qu'on trouve même par rapport aux journalistes, c'est que les journalistes, c'est comme les journalistes d'époque, sont comme les journalistes d'aujourd'hui, ils parlent beaucoup et ils ne connaissent pas grand-chose. Et quand ils essayent d'évoquer justement le milieu littéraire et le milieu anarchiste, ils se trompent parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'arrivent pas à y pénétrer ni l'un ni l'autre. Et alors, par contre, on trouve effectivement l'expression de l'anarchie littéraire, donc à partir dans les archives de la police à partir de 92. Et ça correspond effectivement alors à une brochure que vous pouvez la télécharger sur Internet qui s'appelle l'anarchie littéraire. Et c'est une brochure, alors c'est pas. Elle est amusante aussi comme brochure, je vous donne un extrait, et c'était dénommé Baju. Et Baju, alors, c'est un type qui est curieux, Baju, parce que, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Jimmy Gladiator. Oui. Ouais. Et Jimmy Gladiator, il raconte, dans un dernier livre qu'il a fait, là, il raconte justement que dans les années 68, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait le groupe Baju. Et Baju, c'est un type qui est curieux parce qu'il n'a rien fait réellement littérairement, mais il a acquis une espèce de célébrité comme ça, et il essayait toujours de se mettre au milieu, il a toujours essayé de ramener à lui un petit peu tous les mouvements littéraires qui existaient, et il n'a pas été payé en retour, en réalité. Et il faisait alors, en 92, donc auparavant, il y a eu, je vous en parlais tout à l'heure, il y a eu ce qu'on appelait les décadents. Baju a essayé un petit peu de récupérer les décadents, ça n'a pas marché. Il s'est rapproché ensuite, il a essayé de récupérer les anars. Ça n'a pas marché en 88. Et après, en 90, il se rapproche des guédistes lui aussi. Et il fait une brochure, donc, dans sa brochure L'anarchie littéraire, c'est une brochure alors qu'en même temps, c'est une brochure qui n'est pas très sympathique parce qu'on a l'impression qu'elle dénonce et qu'il veut régler ses problèmes et qu'il dénonce des gens comme étant anarchistes simplement parce qu'ils ont pris la place que lui, il aurait bien aimé occuper dans le monde littéraire. Alors, il essaye de définir les grandes tendances, pareil, de littérature, et à un moment, il dit, ben voilà, une tendance s'appelle l'anarchie littéraire. Et donc, ceux qui prêchent le droit à l'existence et à la paresse par tous les moyens sont les anarchistes. La plupart sont des bourgeois mécontents, qui ont plus de rancune à assouvir que de conviction à faire prévaloir. Ils demandent la liberté, c'est-à-dire le droit d'opprimer à leur tour. Individualistes à outrance, ils ne veulent pas admettre que la société égalitaire de demain soit une machine où tout sera réglé comme les mouvements d'une horloge. C'est, il se rapprochait des guédistes à l'époque, hein, il ne s'est pas trompé finalement sur la société guédiste. Jusqu'à présent, ils ont fait plus de bruit avec des cartouches de dynamite qu'avec leurs œuvres littéraires. Les plus connus sont Louise Michel, Kropotkin, Sébastien Faure, Charles Malato, Patton Berrichon, Henri Cholin, Octave Mirbeau, Lise Reclus, Pouget, Védo, Gautier, Chinchol, Guégou, etc. Et la Purge, il énonce tout un et Michel Zévaco. Il énonce tout un tas d'hommes finalement. Il a quand même reconnu Zévaco, mais bon, il y a parmi plein d'autres qui n'ont pas grand-chose à voir. Pater de Berrichon, que je dis là. Mais il n'y a pas grand-chose sur Pater de Berrichon. Mais le gendre de. Le beau-frère de Rimbaud. Par contre, Gide anarchiste à l'époque. Chinchol, c'est un chroniqueur du Figaro, donc qui avait vraiment rien d'anarchiste. Donc on a l'impression qu'il veut régler plus des comptes qu'autre chose. Alors ce qui est important par contre, et c'est là plus on arrive vraiment sur quelque chose qui est important sur le rapport de l'anarchie littérature, c'est Louise Michel qui l'énonce au départ. On se dit, mais comment ça se fait qu'il parle de Louise Michel? Ben, bon, c'est vrai que Louise Michel, elle s'est toujours un petit peu piquée de littérature. Ah, bon, en même temps, ce n'est pas des œuvres littéraires qui ont marqué, quoi. Ces poèmes, ils ne sont pas. Elle était bonne pour autre chose, Michel, mais pas pour la poésie. Bon, il y a par contre dans ses souvenirs, enfin, une qualité poétique dans ses souvenirs qu'il n'y a pas dans ses poèmes. Il y a une sensibilité dans ses souvenirs qui quand elle décrit la commune, le matin de la commune, elle décrit le soleil, je crois, sur la butte Montmartre, c'est magnifique la description qu'elle fait. Pourquoi parle-t-il de Louise Michel? Alors c'est simple, c'est parce que quelques années auparavant, il a débattu avec elle. Il a débattu alors tout à fait par hasard parce que, et ça c'est un truc, alors personne n'en parle de cette tentative. Il y a une première tentative d'union donc des littérateurs et de l'anarchie en réalité en 1886 avec les décadents. Alors décadent, on comprend tout de suite, parce que pour les anarchistes, c'est vraiment le mot décadent et la décadence de la société. Je vais vous lire tout à l'heure des choses de Kropotkin, c'est quelque chose qui est important, l'idée que la société est décadente et que justement il faudra que de substituer un autre type d'organisation, c'est quelque chose qui est important. Et donc la première revue, réellement, alors, il y a une revue qui s'appelle l'UTES qui est un petit peu décadente, mais la deuxième qui est vraiment très très décadente, c'est le Scapin. Et le Scapin, donc c'est une revue, alors pareil, on peut la télécharger sur Internet. Et pareil, ils font pratiquement la même déclaration qu'aurait été faite quelques années plus tard. Je vous la lis. Ce que nous voulons, c'est d'odliner si bon nous semble, c'est baritonner s'il nous plaît, c'est avoir notre franc-parler, notre franc-rire, c'est rosser dans notre sac les gérantes de littérature, ces raseurs sinistres qui nous envahissent, c'est crier gare à ces fabricants de rengaines lymphatiques, gare aux pompiers, gare aux honnêtes. Notre programme, c'est la réaction contre la prud'homerie graisseuse. C'est la guerre à l'engourdissement stérile de tous ces prêtres qui bedonnent. Nous avons assez de ces penseurs sans idée, de ces scribalones, assez de ces chairs molles sans consistance. Ce que nous voulons, c'est de la moelle et des muscles et des nerfs s'il se peut. Place à ceux qui vivent, place à l'anarchie, place à la névrose. Et il continue, ce que nous voulons, c'est l'anarchie littéraire. Et c'est la première fois, j'ai pas trouvé auparavant pour. En gros, j'ai pris vraiment toutes les publications, toutes les revues littéraires entre 1970 et puis je me suis dit, ben, je vais m'arrêter dès que je vais trouver l'anarchie littéraire. C'est la première fois qu'on trouve l'anarchie littéraire. Et c'est si vrai qu'effectivement, alors, ils ont essayé de se rapprocher de l'anarchique. Il y a une réunion qui est organisée avec. Alors, ils publient déjà des poèmes de Louise Michel. Et à l'époque, Louise Michel, en 1886, elle était incarcérée parce qu'il y avait la manifestation des 100 je vais dire des sans-papiers, des sans-travail. Il y avait eu, une boulangerie qui avait été piégée. Ouais. Elle avait été incarcérée pour ça. Bon, annoncée en caractère grave, hein, vraiment tout en haut du scapin. Hein. La semaine prochaine, publication des poèmes de Louise Michel. Bon, c'est vraiment prendre position très nettement. Hein, parce que publier Louise Michel, c'était pas simple à l'époque. C'était vraiment s'attirer sur soi toutes les surveillances de la police. Et pour eux, donc, ce qu'ils réclament plus, pour l'instant, c'est simplement une totale liberté d'expression. Et c'est la première fois que ça arrive, cette revendication de manière si nette. Et ils décident, alors, on ne sait pas trop, ils participent en tout cas à une réunion avec les décadents. Et il se trouve qu'il y a deux groupes de décadents. Et je crois que c'est pour ça que la réunion a été très très peu traitée dans l'histoire littéraire. Il y avait un groupe des décadents, donc qui étaient les décadents de la rue des Amandiers à Paris, qui était un groupe de, alors un petit peu littérateurs et puis beaucoup anarchistes sociaux quand même, mais très très peu, ils n'avaient pas beaucoup, ils n'ont rien laissé d'ailleurs au niveau littéraire. Et ils décident de faire une réunion. Ils se disent, bah, on va inviter les copains et les copines. Et la copine, donc, bah, c'est Louise Michel. Et les copains, c'est tous les décadents anarchistes. Et puis ils se disent, bah, on va pas rester là, on va inviter aussi quelques littérateurs. Et c'est simplement une tocade qu'ils ont eue, en fait, quelque chose qui leur est passé par la tête. Et puis ils sont amusés comme ça, organisés une réunion. Ils ont imprimé une affiche qu'on peut retrouver aujourd'hui, puis qui était reproduite dans Total Journal. Et ils ont invité, alors en même temps, ils étaient rusés parce qu'ils connaissaient quand même le monde littéraire. Et ils écrivent à l'époque sur les affiches, donc ils mettaient tout le. C'était les débats contradictoires, les soirées familiales, les débats contradictoires. Et parfois, il y avait même des gens qui apprenaient tout à coup qu'ils devaient participer à un débat contradictoire. Ils étaient même pas prévenus eux-mêmes, mais on leur envoyait l'affiche et on leur disait, tiens, bah, viens, t'es sur l'affiche, viens voir comment c'est. Et ils ont invité, alors le nom des invités, Hugues, Stéphane Mallarmé, Paul Alexis, René Guil, Moréas, Francis N, etc. Et les rédacteurs des journaux, Le Temps, Le Figaro, le Gilles Blas, Le Gaulois, etc. Et en réalité, il ne se passe pas grand-chose. On n'arrive pas réellement à savoir ce qui se passe. Alors, il y a au moins trois raisons qui font qu'on n'arrive pas réellement à savoir ce qui se passe. La première, c'est que Louise Michel, tout le monde la considère comme une folle à l'époque. C'est-à-dire que dès qu'il y a même un type, par exemple, comme Maxime Boucheron, qui est un littérateur dans des journaux de l'époque, qui faisait des comptes rendus, Maxime Boucheron, il était incarcéré, je crois, avec Louise Michel. Donc on pourrait imaginer qu'il va avoir une sympathie pour Louise Michel. Il dit non, il la traite pratiquement comme un bas bleu. C'est très surprenant. Il évoque, quand on lit les propos qu'il retranscrit de Louise Michel, on a l'impression que c'est pratiquement de moins instruits que nous, mais qui sont aussi moins barbares. Ils ont pris des mots chinois, des mots français, des mots à l'anglais, des mots à toutes les langues. Ils s'en sont fait une langue. Vous aussi grappillez parmi les autres poésies. Étudiez les rythmes allemands, anglais, russes, et prenez ce qu'ils ont de bon. Toutes les langues doivent se fondre en une langue universelle. Et on a l'impression pratiquement qu'elle la mère courage qui incite comme ça, sans trop de cohérence, à prendre à gauche, à droite, et à construire quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas exactement en quoi ça va consister. Donc du côté des policiers, les policiers la prennent pour une dingue, les journalistes la prennent pour une dingue, et puis les policiers ne connaissent pas du tout, en 86, ils ne connaissent pas du tout le milieu littéraire. Ils commencent à surveiller un petit peu, et c'est depuis le congrès de Londres de 1880, là, ils savent que, la chimie est la meilleure amie du prolétaire, et donc ils savent qu'effectivement, les groupes risquent de se structurer puis de faire péter des bombes, donc ils ont peur, et ils commencent, et c'est à partir des premières boîtes d'archives qu'on trouve de surveillance des milieux anarchistes, c'est à partir de 1880, on n'en trouve pas avant. Donc en 86, il y a évidemment pas mal d'informateurs, mais le milieu littéraire là, échappe complètement, encore plus qu'on est en 94. Donc, il y a le fait que, donc ils ne connaissent pas, les journalistes ils ne connaissent pas plus, ni le milieu anarchiste, ni le milieu littéraire, et enfin, dans le milieu littéraire, il y a eu tout un tas de scissions qui fait que personne ne s'y retrouve. Il y a eu alors un premier manifeste du symbolisme en 1986, mais tout le monde a été contre ce manifeste, et tout de suite un manifeste après, ce qui fait que le monde littéraire devient extrêmement complexe tout à coup. Et les journalistes, donc, faute de comprendre exactement les enjeux de la réunion, il nous donne un compte-rendu de manière extrêmement caricaturale. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on lit le truc, alors, mais c'est pareil dans les comptes-rendus de la police, Il y a des types qui se déguisent, qui se mettent des fausses moustaches, qui se font passer pour des Roumains, d'autres qui gueulent Vive Zola, etc. Mais ça a l'air d'être un foutoir absolument invraisemblable. Et la seule chose qui ressort, et c'est quelque chose qui est important quand même, c'est que le problème politique, alors bien que Bajou, en même temps, il pensait que la poésie n'avait pas d'avenir dans notre société, et que seule la prose avait un avenir. Et le seul truc qui ressort, c'est que il y a quand même l'éloge du naturalisme. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'effectivement, la seule littérature qui peut servir les anarchistes, c'est la littérature naturaliste. C'est-à-dire c'est vraiment la reproduction de la société. Et c'est là où on peut en arriver effectivement à une vision qui est vraiment la vision des anarchistes, de la littérature. Donc cette vision des anarchistes, alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette idée, on comprend pourquoi les anarchistes ont pu tout à coup parler de cette décadence qui est affirmée. Quand les premiers littérateurs ont été appelés décadents, c'est un petit peu comme pour les impressionnistes. On savait que les impressionnistes, on les appelait impressionnistes pour se moquer d'eux. Et la plupart des groupes littéraires, c'est pareil, on leur trouve un nom, une sorte de sobriquet, et puis ou ils ont le courage de le relever, ou ils n'ont pas le courage de le relever. Les impressionnistes ont le courage, et puis Bajou aussi, je dis d'accord, moi j'ai bien, je suis décadent, d'accord. Et il essayait justement de donner ses lettres de noblesse à la décadence. Mais aujourd'hui, bon, le peu de poésie décadente qui a été faite, bon, est pratiquement illisible. Il y a des majuscules à tous les mots, il y a des. Et en plus, ils sont fait voir sur plein de trucs. Mais en tout cas, par rapport à cette idée de la décadence littéraire, c'est-à-dire d'une idée, je pense que les anarchistes ont compris cette idée comme étant l'impossibilité pour la société et l'impossibilité pour notre société de l'époque, donc de mettre en place une littérature. C'est-à-dire que la littérature est décadente et elle reflète, c'est ce qu'ils ont dû penser, elle reflète effectivement la décadence de la société, pardon, la décadence de la littérature reflète la décadence de la société. Donc je crois que c'est pour ça qu'à un moment ils ont voulu se rapprocher. Alors, il y a des pages très belles de Kropotkine sur l'idée de la décadence quand il décrit, c'est dans Parole de la révoltée, quand il décrit tous les hommes politiques, il représente un petit peu des vieillards impuissants, la peau ridée, les pieds chancelants, rongés de maladies constitutionnelles, incapables de s'assimiler les flots d'idées nouvelles. Ils gaspillent le plus de force qui leur reste, vivent aux dépens de leurs années déjà passées, et accélèrent encore leur chute en s'entre-déchirant comme de vieilles grogneuses. Donc on a vraiment l'idée effectivement d'une grande décadence, c'est vraiment le modèle de la décadence de l'Empire romain. Et ce qui est important, c'est qu'il montre, et Kropotkin donc, n'arrête pas de le montrer, il montre que vraiment tous les hommes politiques ils gardent et ils essaient de garder leur trésor, mais ils gardent et ils essaient de garder la main sur la société. Et Kropotkin, et c'est un aspect vraiment qui est important, je trouve, dans l'œuvre de Kropotkin et dans la compréhension de l'œuvre littéraire, c'est que Kropotkin est le premier qui, pour faire de la critique littéraire, fait de la critique sociale. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas chez Kropotkin un article qui consacre un livre, mais au détour d'une critique de la société, on trouve effectivement une critique du naturalisme, une critique de littérature. C'est-à-dire que pour lui, vraiment, la critique littéraire, elle vient simplement en rajouter une critique sociale, mais l'élément premier, c'est vraiment la critique sociale. Et à partir du moment où il commence à dénoncer la décadence de la société et le fait que la bourgeoisie essaye de garder la main sur cette société, il dit à partir de là, il peut y avoir du réalisme possible. Le réalisme est impossible puisque justement, un écrivain qui serait honnête, la seule chose qu'il ferait, c'est de dénoncer tout ce mécanisme et toute cette attitude de la bourgeoisie. Et comme justement les écrivains sont nourris par la bourgeoisie, ils sont forcés de ne rien dire. Et je trouve que sa position n'est pas fondamentalement fausse. Et il y a des paroles qui sont très très dures pour les écrivains. L'esclave du bourgeois qui les laissera crever de faim s'il ne consente pas à se prêter à ses fantaisies. Et effectivement, enfin, on ne va pas faire la liste aux écrivains aujourd'hui qui sucent les papiers justement. Il y en a plus d'un. Non, parce qu'ils auraient des lèvres. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça le conduit alors à une critique aussi du naturalisme qu'on retrouvera après, des années plus tard, chez les marxistes. Vous savez que les marxistes, par exemple, opposent toujours, d'une part, le réalisme et d'autre part, le naturalisme. C'est-à-dire que dans une vision marxiste, il n'y a pas le naturalisme qui serait vraiment le point d'orgue, en quelque sorte, du réalisme, mais le naturalisme, c'est vraiment déjà une dégradation, en quelque sorte, du réalisme qui, le modèle, ça reste pour les marxistes, Balzac. Et c'est pratiquement la même chose qu'on trouve chez Kropotkin et chez les Annales et même chez Reclus. C'est-à-dire qu'ils expliquent que À partir du moment où l'écrivain ne peut pas dire tout ce qu'il veut parce qu'il est payé justement par la bourgeoisie, il est condamné à dégrader complètement le réalisme, et il est condamné alors ou bien à un sentimentalisme outré, c'est-à-dire qu'il va faire de la romance, il va faire de la fleur bleue, ou alors au contraire, il va tomber dans la grossièreté, dans la scatologie, dans le pot de chambre. Et c'est pas complètement faux non plus quand on voit aujourd'hui les simples tendances actuelles de la littérature et cette réunion du naturalisme et de la pornographie. Donc c'est vraiment le point central de l'esthétique anarchiste à l'époque. C'est-à-dire que peut pas y avoir dans la société, on ne peut plus trouver de réalisme parce que simplement la bourgeoisie a gardé la main sur la société. Et ça, je trouve que l'idée quand même elle est pas mal. Et petit à petit, il y a tout un tas d'autres querelles qui naissent. Et une des querelles qui est importante, c'est comment on va appeler cette littérature. Parce que, après tout, est-ce que littérature anarchiste ou littérature. Il y a tout ça finalement, comme si les anarchistes avaient été à reculons sur cette littérature. Parce que, le journal le plus important, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, mais. À mon sens, la publication la plus importante qui est vraiment au centre de tout, qu'on soit d'accord ou non, de toute manière avec le contenu, c'est autre chose, mais ce qui est vraiment au centre à l'époque de tout le monde anarchiste, c'est les journaux de Grave. Les journaux de Fort arrivent un petit peu plus tard, le journal de Fort arrive un petit peu plus tard, mais les journaux de Grave quand même, manifestent une certaine constance jusqu'en 14, quoi, de 1877. C'est lui qui a pris la relève du bulletin de la Jurassienne, et puis il a continué la révolte, etc. Donc, il est vraiment, les journaux de Grave ont toujours été au centre de toutes les polémiques. Alors, peu importe après les positions qu'ils ont prises, mais on trouve vraiment pratiquement le thermomètre de toute époque dans les journaux de Grave. Et Grave, alors, il a l'idée, et c'est pareil, la date n'est pas innocente, en 1886. En 1886, il a l'idée d'adjoindre à son journal une petite feuille. Alors, il y avait une publication qui s'appelait Glamour Anarchiste. Le Glamour Anarchiste. C'est-à-dire que c'était des glams, justement, ils prenaient dans les œuvres à gauche, à droite, tout ce qui pouvait ressembler, tout ce qui pouvait un petit peu intéresser les anarchistes. Et en disant, regardons, on n'est pas les seuls, on n'invente rien, il y a aussi tout un tas d'autres écrivains qui disent la même chose que nous. Il a l'idée, donc, d'adjoindre petit à petit à la révolte Il appelle pas ça le glaneur, il appelle ça le supplément littéraire. Et puis il donne tout un tas d'autres conseils aussi pour des compagnons qui veulent une bibliothèque. Parce qu'ils ne savent pas trop quoi prendre comme livre. Les écrivains Grave disent qu'est-ce que. Et Grave essaye de faire le catalogue. Et de toute façon, alors, il essaye de définir les compagnons. C'est quoi la littérature anarchiste. Et Grave, il ne dit pas ce que la littérature anarchiste. Il se dit il y a des littérateurs qui sont proches de nous, mais. Dire qu'ils sont anarchistes, c'est pas vraiment ça. Donc il invente un concept, lui, pour échapper à la littérature anarchiste, mais il parle de littérature indépendante. Et littérature indépendante, c'est d'autant plus justifié que Grave, il a gros déboire un moment avec la Société des gens de lettres, notamment avec Zola, parce qu'il décide de reproduire, je ne me rappelle plus quel auteur d'ailleurs, il décide de reproduire dans son principe du supplément littéraire, il dit quelque chose, il voit qu'effectivement ça renforce ses idées, donc il fait composer ça et puis il le diffuse. Et il y a la Société des gens de lettres qui à l'époque commence vraiment, qui est dirigée par Zola, qui commence à prendre du poil de la bête, qui lui envoie des factures. Il dit, vous avez reproduit les œuvres d'un tel, vous devez tant. Et Grave, il ne peut pas payer, et c'est à cause de ça d'ailleurs que la révolte va s'arrêter pendant quelques temps, parce qu'il n'est pas mis en prison, mais en tout cas, il ne peut pas payer, il est forcé d'arrêter sa publication. Et du coup, pour lui, il y a tout un tas d'auteurs qui lui écrivent des lettres de sympathie en disant, mais nous, c'est vrai qu'on est la Société des gens de lettres, mais tous c'est nous qui sommes maîtres de nos œuvres, et nous vous autorisons à reproduire tout ce que vous voulez. Et donc lui, du coup, il parle de littérature indépendante. Il dit, il y a des hommes qui ont le courage d'être indépendants, et c'est cela qu'on va publier dans notre journal. Et du coup, il invente cette appellation littérature indépendante, et le temps passe, et on arrive après, dans les années, toujours avec cette idée de littérature indépendante, et on se rend compte finalement, et puis il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette catégorie de littérature indépendante, parce que c'était extrêmement offensant quand même pour les compagnons. Il y avait tous les compagnons qui essayaient d'écrire des choses, et puis Grave, c'est un homme qui était sévère. Hein. C'est-à-dire qu'il avait des goûts qui étaient extrêmement rigides en poésie, par exemple, il voulait une poésie qui était mesurée, puis quand il y a des compagnons, par exemple, qui lui envoient des chansons, des poèmes, etc., il répond, et puis alors, quelquefois, dans la petite correspondance, des trucs qui sont pas gentils, hein, qui disent, ah, mais vous feriez mieux faire autre chose que de faire de la poésie, vous ne savez pas compter les syllabes, enfin, des trucs de méchanceté incroyable. Il a des goûts extrêmement, Grave avait des goûts qui étaient extrêmement, extrêmement classiques. Ouais. Et le seul qui l'a fait un petit peu dévier de ses goûts classiques, c'est Verhaeren. Parce qu'avec Verhaeren, tout à coup, je crois que c'est Verhaeren vraiment qui fait tout pour le vers libre et qui arrive vraiment à faire un vers qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu Verhaeren, mais Verhaeren, ça coupe le souffle, il arrive vraiment à faire un vers qui est calqué sur la pensée. Quoi. Il y a une espèce d'emphase en même temps. Du coup, Grave, il y a un d'ailleurs qui est un formateur, qui est Gérard, qui lui dit, mais t'as tort, tu sais, le vers libre, c'est pas mal, regarde Verhaeren, et puis il dit, bah oui, effectivement. Et donc, du coup, l'horizon de Grave s'ouvre complètement. Mais en attendant, donc, tous les compagnons qui écrivaient des choses, qui se faisaient envoyer promener par Grave, vachement bien, ils dénoncent la justice, etc. Des œuvres de Zola, c'est-à-dire autant d'hommes qui finalement n'avaient absolument aucune pratique anarchiste. Et c'est toute la contradiction dans laquelle était prise à un moment cette littérature anarchiste, c'est-à-dire qu'on en est venu petit à petit avec cette littérature à mettre au point un concept qu'on retrouve justement dans les entretiens politiques et littéraires, qui est le thème de l'anarchiste qui s'ignore, qui est la catégorie la plus absurde que je connaisse, parce que, dès qu'on rentre un petit peu dans un monde politique, c'est impossible d'ignorer ce qu'on fait, quoi. Justement, nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est une révolution de la conscience. Et à force de... Justement, alors, grave idée, bah oui, il y a des gens qui nous accompagnent, comme ça, alors peut-être qu'ils deviendront anarchistes, et puis, petit à petit, ils creusent un petit peu cette idée, puis ils disent, mais... C'est vrai, parce que alors, les compagnons, ils disent, mais quand même, enfin, Anatole France, bah, ça va, vous allez prendre le genre modèle des anarchistes, il n'est pas anarchiste. Dit oui, mais s'il continue à bien observer la société, bah, probablement qu'il arrivera tôt ou tard à devenir anarchiste. Et il met en place cette catégorie qui elle est amusante, mais en même temps, c'est pas idiot son truc, parce que du coup, on a un truc qui est complètement dialectique, c'est-à-dire que pour élaborer une œuvre littéraire, il faut avoir une conscience sociale. Et puis Grave est complète, il dit, mais en réalité, c'est pas simplement dans un sens, c'est dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que l'élaboration de l'œuvre littéraire va enrichir en retour la conscience sociale de l'écrivain. C'est-à-dire que petit à petit, il y a 3-4 déclarations de Grave, comme ça, qui dit, mais les écrivains peuvent devenir révolutionnaires. Dès qu'un écrivain aura l'ambition d'écrire à la société, il deviendra nécessairement révolutionnaire. Et donc c'est l'idée qui est plus ou moins, en tout cas qui est habile, mais qui en même temps témoigne une certaine perte d'importance quand même de l'anarchie, puisque, et Grave insister là-dessus, quand même l'anarchie c'est avant tout une histoire de conscience, c'est avant tout une histoire d'idées, une histoire de conscience. Et du coup, alors, après, par rapport à cette idée de l'anarchie littéraire, donc et de la pratique littéraire des anarchistes, si on avance, mais bon, moi je me suis arrêté dans les années 1900, mais si on avance encore un tout petit peu, on tombe sur une enquête qui était faite dans le Libertaire en 1903, et qui est intéressante parce que, justement, l'idée de littérature anarchiste, elle est posée comme étant un recul. C'est-à-dire que c'est Marestan qui fait l'enquête, je ne sais pas si je vais... Marestan, donc, qui était au Libertaire, il fait l'enquête, et il fait toute l'enquête sur la décadence anarchiste. Donc, ça peut paraître bizarre quand même à l'époque 1903, et il explique on a vu paraître les naturiens, d'où colonisateurs et végétariens, et le christianisme est venu. Des enthousiastes ont parlé de transformer la terre en maison d'accouchement et de créer de nombreux soldats pour les révoltes futures. Des prudents distribuaient les moyens d'éviter les grandes familles. Certains se firent disciples de Max Stirner, d'autres retournèrent aux mutualistes de Proudhon. Les révolutionnaires, partisans du tout ou rien, continuèrent à prétendre qu'il fallait laisser la vieille société se désagréger, que toute amélioration, tout reclatrage ne pouvait être que néfaste. Et il évoque un moment un petit peu plus loin, il évoque sous les étiquettes d'individualisme, naturisme, individualisme libertaire, réformisme, socialiste libertaire et christianisme anarchiste, des divisions profondes et qui semblent inconciliables sont survenues dans l'anarchisme tel qu'il avait été conçu primitivement durant de nombreuses années. Et il met la littérature dans le même sac. Je trouve qu'il n'y a pas tort. Je trouve qu'effectivement, peut-être une des difficultés. Alors, en même temps, on se dit, il y avait les attentats, donc les anarchistes étaient quand même à la recherche d'une certaine figure. Ils ne voulaient pas simplement apparaître comme des poseurs de bombes. Donc, le fait tout à coup d'apparaître dans le cadre d'une pratique littéraire, ça pouvait être extrêmement valorisant. Mais, ce faisant, c'est justement tout l'aspect social qui fout le camp. Et donc, en réalité, c'est la problématique moi, qui m'animait, c'est est-ce que justement cette catégorie d'anarchie littéraire, elle n'a pas été mise en place en réalité pour essayer d'organiser ou d'accompagner une sorte de décadence de l'anarchie à l'époque, en tout cas de rendre l'anarchie nettement moins virulente. Il y a une déclaration qui est extrêmement curieuse à cet égard dans les archives de la police, à la suite du procès de Félix, du procès des 30 ans, qui a été considéré donc comme étant quand même un grand, une victoire, le procès des 30 ans. Et il y a un policier qui se félicite, qui fait son rapport, et qui se félicite, et qui dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce procès des 30 qu'on l'ait gagné finalement, ça va permettre aux littérateurs de continuer à faire leur déclaration à la mort malheureuse, leur déclaration très très générale comme ça, et ils vont arriver petit à petit à évincer justement toute l'anarchie sociale. » Donc c'est là-dessus qu'on pourrait discuter après. Je sais pas si... T'as fini ? Ouais. C'est bon ? Je peux continuer, mais bon. Ah non. C'est pas mal dans les temps. Ouais, ben, il y a sûrement des questions qui vont se poser. Là. Moi, c'est un peu du détail, mais les lois scélérates, je ne sais pas trop. Le guédisme, je ne sais pas. Jules Guéde, fondateur du socialisme avant Jaurès. Les lois scélérates, alors, qui ont isolé en fait, les anarchistes. Oui, c'est un ensemble de lois qui a été pris à partir de 92-93. Pour justement essayer pour criminaliser l'anarchie. 94. Mais non, en 93 aussi, la première. Ah oui, la première, oui. Du 12 décembre 93. Et notamment, c'était les lois qui ont essayé d'interdire pratiquement toute la presse anarchiste, qui ont essayé d'interdire tous les rassemblements, qui ont essayé d'interdire toutes les réunions qui existaient des anarchistes. Et quiconque avait une profession de foi anarchiste, quiconque vantait l'anarchie dans une publication, pouvait aller en prison. C'était pratiquement la même de cash. Et c'est resté dans le code jusqu'en 82. Ouais. C'était abrogé qu'en 82, ces lois. 1982. Oui. Après, la Mitterrand. Oui. Elles ont été prises en plus. C'était tombé dans des études. Oui, ouais, mais... alors elles ont été prises et puis elles ont été très très féroces, et surtout à la suite là où ils ont été, à la suite de l'attentat à la Chambre des députés. Ouais, c'est là où ils ont eu les quêtes. Ouais. Normalisé, là. Parce que bon, l'attentat au café Terminus, tout ça, bon, c'est des béquins comme vous et moi, hein, donc ça pour eux ça comptait pas beaucoup. Mmh. Par contre, l'attentat à la Chambre des députés, là ils se sont dit il faut faire quelque chose contre les ânes. Pourtant, il n'y a pas aucun monstre. Non. Ben, il y a... non. Il y a eu un blessé qui n'a même pas porté plainte. Il a été guillotiné. Ouais. C'est fou, hein. Oui, je crois, je ne me rappelle plus, je crois que c'est. C'est ou bien l'abbé Garnier ou l'abbé l'émir qui était là et qui s'est relevé, alors ils étaient couverts de plâtrin. La séance continue. On fait comme si de rien n'était, la séance continue. Et là, il a été guillotiné aussi. Ouais. Et deux jours après, hein, je crois que la première, elle est du 12 décembre. 31 décembre. Donc c'est 15 jours après, ils ont pris les premières lois contre les anarchistes. Il y en a alors. Ça parle justement par rapport à la littérature anarchiste, puisque en fait, si on a un délit de conscience par rapport au thème anarchiste, est-ce que toute prise de position en fonction de l'anarchisme, ça tombait sous le coup de la loi. Parce que l'enquête naturaliste d'un journaliste est empêchée parce que c'est une menace d'activité qui peut être confondue avec une sorte de complicité. Alors, inversement, est-ce que justement un écrivain est un peu justement censuré par ces lois qui l'empêchent de déployer, je ne sais pas, son je pense qu'il devait s'autocensurer, puis le mode d'exprimer, il ne pouvait pas connaître, il ne pouvait pas aller dans ce milieu anarchiste, puisqu'il était criminalisé. Il ne pouvait pas y aller, ou alors s'il y allait, puis alors à un moment, alors ça c'est un de mes grands regrets, parce qu'il y a eu dans les archives de la police apparemment en 1939 quand les Allemands sont arrivés, il y a plein de choses dont les policiers se sont débarrassés. Ils ont apparemment ils ont balancé dans la Seine tout un. Alors il paraît c'est une histoire en même temps que c'est pas vrai, mais Mallarmé par exemple, il était comme il était réputé proche des anarchistes, il était convoqué chez le commissaire de police. Je suis sûr qu'il y a un entretien quelque part entre Mallarmé et le commissaire de police dans les arcanes. Mais bon, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et il est convoqué, quoi. Tous les gens qui étaient proches, qui étaient réputés proches des anarchistes, étaient convoqués. Et donc, un romancier, par exemple, qui aurait voulu vraiment fréquenter, dans une veine naturaliste, hein, qui aurait vraiment voulu fréquenter de près les milieux anarchistes pour voir comment ils fonctionnaient, etc., il avait toute chance de se retrouver en prison, et c'était qu'à Yann, hein. c'était pas de la blague. Hein. C'était... Qu'est-ce que vous pensez de la différence entre littérature anarchiste et littérature anarchique? C'est-à-dire la lutte qu'il peut y avoir entre le style et l'efficacité. Ouais. Jules, lui, c'est plus littérature anarchique. Il a plus envie littérature anarchique, c'est-à-dire les tendances qui partent dans tous les sens. Alors que littérature anarchiste, ça laisse enfin... Moi, je n'ai pas trouvé de par rapport, de manière que ce soit le socialisme ou que ce soit n'importe quel autre courant politique, il n'y a pas réellement de politique anarchiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut pas trouver, je ne sais pas, par exemple, tel type d'image va correspondre, ou telle technique littéraire va correspondre à l'anarchie, telle autre technique va correspondre au socialisme. Oui, ça, il n'y a pas. Parce que vous avez certains écrivains qui ont, disons, un grand talent et qui ont évolué au fil des années. Oui. Ceux qui sont armés au point de vue technique ont peut-être plus d'efficacité que ceux qui ont une technique limitée. Oui. Dans l'endurance de propos ou dans l'efficacité du propos. Oui, oui, mais il n'y a pas de... Parce qu'avant-guerre, il y avait dans les journaux d'opinion, c'était une violence qui était énorme à côté de celle de maintenant. Maintenant, on est censuré à la base, qu'on avait ou non. Maintenant, avec les lois, toutes les lois qui existent, avant, la répression avait fourni beaucoup plus d'écrivains anarchistes qu'à l'heure actuelle. Oui. À l'heure actuelle, les écrivains anarchistes sont quand même relativement rares par rapport à ce qu'ils étaient dans les années, par exemple, 1920. Oui, puis il y avait l'instance de la révolution. Vous parlez de Sodaxa, par exemple, tout à l'heure. Sodaxa était quand même, à la tête d'une revue, qui de temps en temps, le dérapait volontiers. Oui, oui. Sodaxa, je ne m'en rappelle plus. À un moment, dans l'Andorre, il explique, en fait, il donne. Je crois grave aussi, il énonce le nombre de mois de prison qu'il fait, et puis le montant de toutes les amendes qu'il a dû payer. Mais c'est colossal, quoi, tout ce qu'il a dû payer. Il était forcé de partir en ce moment, puisqu'il c'est là où il a fait justement son... Parce qu'à l'heure actuelle, les écrivains, ils ont fait, quelques mois de prison, sans rare. Oui, oui. Les écrivains contemporains. Oui. Non. Tandis qu'à l'époque, lorsqu'on prend certaines époques, à partir de 1900, disons là, pas de 1902 ou 1909, peu importe, vous aviez une multitude d'écrivains qui avaient de gros problèmes avec la police, c'est-à-dire que maintenant, la censure se fait à la limite, et les journaux d'opinion ont complètement disparu. Aujourd'hui, en fait, c'est un type pourtant qui a la réputation d'être un écrivain anarchiste ou libertaire, mais bon, j'aime pas le mot libertaire, mais au moins anarchiste arrivé au XIXe siècle, et il serait trouvé après, c'est un bon frère. On ferait quand même la réputation de au moins d'un libertaire. Oui, parce que le dernier, c'est au fait, il a relié. Oui. Ils ont eu des gros problèmes. Oui. Mais il a eu des problèmes, ouais. Non, mais c'est... Ça fait, il fait partie des lécheurs. Là, je comprends pas bien. Oui. Aussi. S'il se retrouvait dans le milieu anarchiste, au XIXe siècle, il se recourir après. Hein. D'accord. Les militants lui feraient une tête. Voilà, c'est ça que j'avais pas compris. Oui, voilà. Il pourrait pas, ouais. Là, ça va, il peut faire croire, etc., bon, anarchiste et tout, mais... Ah oui, voilà. À l'époque, ça passait pas, ça. Non, c'est pas sûr. Moi, je voulais dire une chose. C'est intéressant de connaître les écrivains anarchistes, pour peu qu'il en ait encore, mais ce qui est remarquable, c'est la disparition de la littérature actuellement. Oui. Dans 200 ans, il sera disparu, le bouquin, on ne le verra plus. Alors, dans 200 ans, vous voyez loin, à mon avis, c'est plus près que ça. Hein. Non, mais parce qu'il y aura des sursauts. Ouais. Les gens qui s'intéressent. Notre génération s'intéresse encore à la lecture. Mais les jeunes, vous savez, j'ai discuté hier à une station de bus, il y en a un qui m'a sorti que Molière était un romancier. Et en seconde, c'est que... Il n'y aura pas son bac, celui-ci. Mais c'est terrible, le fait que le livre, la littérature... Je regarde l'émission à la télé parce que c'est une des rares qui soit encore regardable. Je lis l'histoire des livres, la grande librairie, mais il n'y a rien à regarder. ces grands nouveaux romanciers. Mais qu'est-ce qu'ils donnent? Mais qu'est-ce qu'ils racontent de spécial? Non, mais c'est pour ça que plutôt que de dire qu'il n'y a, y a pas de lecteur, peut-être qu'il n'y a rien à dire non plus. C'est peut-être une des caractéristiques de notre école. Fait, d'abord, j'ai été un peu étonné tout à l'heure par certaines citations de voir la pauvreté du style de certains de ces types qui se prétendaient défenseurs de la littérature. Ma fille, ils avaient cet langage d'une pauvreté extrême. Il y a simplement celui qui a, ça m'a réveillé quand celui qui a un titre de journal très court, je ne me rappelle plus son nom. L'Andorre, c'est ça, voilà. Non, un peu vers la fin. Enfin, juste avant que tu arrives à citer Kropotkin, etc., il y avait enfin des gens qui avaient un style. Le scapin. Voilà, c'est le scapin, voilà. Voilà, c'est sinon les autres, je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux dire, ils s'intéressent de littérature, mais alors, après, qu'est-ce que ça veut dire littérature anarchiste si c'est simplement écrire? Parce qu'écrire, je veux dire, on peut écrire n'importe quoi. C'est un moment pour un écrit, quand même, qui a au minimum une fougue. C'est ça, mais oui. Mais moi, je pense qu'on peut être anarchiste sans avoir une étiquette, et je pense à Romain Gary et Milaja. Mais c'était un homme extraordinaire. J'ai fait un débat sur lui, donc je le connais bien. Et il avait un humanisme, mais c'était quelque chose de faramineux qui n'existe plus maintenant. Et alors, est-ce qu'il n'était pas quelque part libertaire par sa façon d'écrire, sa façon de présenter la tendresse qu'il pouvait développer dans ses livres, les misères qu'il avait toujours? Prenez la vie devant soi. Et alors, il y en a un qui, comme ça, un type s'appelle Pierre Quillard. Et Quillard, alors pareil, il a réfléchi sur littérature. À l'époque, c'était lui, c'est un des rares qui n'a pas trahi. Paul Quillard qui a fait un livre qui s'appelle L'anarchie par la littérature, enfin, une brochure qui s'appelle L'anarchie par la littérature. Il essaye de définir aussi, alors, il dit, mais on peut pas réduire la littérature anarchiste simplement à un engagement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on appelle aux armes, etc., qu'on fait littérature anarchiste, parce que, cette manière, bon, les guédistes, ils savent le faire, les royalistes à l'époque savaient le faire, les antisémites savaient le faire, les bouchers de Guin, tout le monde savait le faire, ça. Il n'y a plus aux armes, tout le monde sait le faire. Mais il explique, il dit, mais finalement, ce qui compte, c'est simplement l'honnêteté, puis ce que vous dites par rapport à Gary, c'est une certaine authenticité. Et pour lui, dès qu'une œuvre est écrite avec cette honnêteté, cette authenticité, ça suffit pour qu'elle bouleverse complètement les codes traditionnels et que justement elle mette les lecteurs dans une autre position, qui est une position qui remet en question fondamentalement la société. Il écrit, seul le jeu libre et désintéressé de l'esprit, soustrait momentanément par quel miracle aux formes nécessaires de la connaissance et de la vie, produira cette autre merveille, la beauté. Et l'œuvre ainsi conçue dans une voie surnaturelle ne réjouira point seulement son créateur, mais elle sera pour tous ceux qui la comprendront une créatrice immortelle de joies analogues. Et son verbe libérateur, pour des minutes ou pour des heures, mais qu'importe le temps si pour une fois les pesantes chaînes sont réellement brisées. Qui c'est qui a écrit ça? J'ai pas compris. Paul Quillard. C'est magnifique. Oui, et pareil, on peut le trouver sur Internet, mais lui, moi ce que j'aime bien, en même temps, ça rapproche, parce que, on pourrait dire, c'est presque par hasard que cette œuvre échappe, en quelque sorte, au créateur, c'est-à-dire que, c'est comme si, à nouveau, on trouvait l'anarchiste sans le savoir. C'est que le type, il fait son œuvre, et puis, mais peut-être que le destin, peut-être qu'on est tous anarchistes sans le savoir, quoi, qu'on a tous le rêve de meilleure société, mais qu'on n'ose pas assumer ce rêve, je ne sais pas. Ou... On peut penser à Jean Monnet. On est devenu par la vie. Parce que Giono a eu une époque, je me rappelle, moi, de refus d'obéissance, par exemple. Le refus d'obéissance, c'est la polémique qui était à moitié démarrée avec Romain Rolland. Parce que Romain Rolland, qui était en Suisse, voyait les choses d'une manière, alors que Giono était presque en prison, à force de Nicolas. Alors, Giono, par contre, a eu un moment où il a monté dans un sens, il a monté, puis après il a redescendu pour retrouver un certain calme. On se demande, il y avait ses raisons, certainement, je veux dire par là, il y a une grosse différence dans l'œuvre d'un écrivain, quand on parle de poésie et politique. Il y a certains écrivains qui ont une grosse différence dans l'œuvre, et pour des raisons qui sont intéressantes quelquefois. Tout à l'heure, nous parlions de Céline, mais il n'y a pas que Céline, il y a d'autres écrivains qui ont eu le même problème, je veux dire. Parce qu'à un moment, vous êtes mal placé dans une position et vous vous retrouvez embarqué dans une galère où il est difficile d'en sortir. Et c'est vrai qu'en même temps, moi je trouve que la poésie est par nature, effectivement, comme Kier, je trouve que la poésie est par nature anarchiste. Mmh. À partir du moment où elle propose justement un autre usage du langage, une autre manière d'être par rapport au langage, par rapport. Oui, mais toute la poésie ne fait pas ça. Toute la poésie ne fait pas ça. Voilà, il y a toute une poésie qui est bas bleu, qui est tout ce qu'on veut, fait, qui est là pour endormir, qui se purifie, etc. Évidemment, je veux dire, je ne veux pas contester. Je veux dire, c'est pas le simple fait d'être poète qui fait qu'on libère. Il y a une poésie qui est soporifique, qui est faite pour endormir. C'est un truc qui est très curieux, c'est qu'on parle toujours des rapports, enfin, on date toujours le début des rapports de la littérature et de la poésie, de l'anarchie, pardon, on date toujours ça de l'époque du symbolisme. Alors, 94, en 94, le symbolisme est un petit coup dans le nez, déjà, il est un petit coup dans l'aile, d'une part, et puis d'autre part, ce qui est quand même extrêmement étonnant, c'est que le symbolisme revendique essentiellement une littérature de spécialistes. C'est-à-dire que Mallarmé, par exemple, il a fait tout un tas de thèses. Alors Mallarmé était quand même au centre, malgré tout, du même si on ne voulait pas, il était quand même au centre du symbolisme. Il a fait tout un tas de thèses en disant, mais il faut préserver la poésie de toute accointance avec le vulgaire, en quelque sorte, et puis les décadents qui ont rencontré Louise Michel, c'était pareil. C'est-à-dire qu'au départ, ils veulent vraiment faire une sorte de sécession du monde et de la poésie. Et c'est cela qu'on présente comme étant les plus proches de l'anarchisme. Cette poésie-là, quand vous lisez, bon, c'est vrai qu'en même temps, elle suscite un certain plaisir intellectuel parce que c'est presque du rébus, quoi. Donc, à partir du moment où on essaie de comprendre ce rébus, ça va effectivement faire un plaisir, mais bon, il n'y a plus rien réellement d'anarchiste là-dedans, quoi. C'est rebutant, hein, les poèmes symbolistes aujourd'hui, et les poèmes symbolistes aujourd'hui sont un petit peu rebutants, et qu'on n'en parle plus d'ailleurs. Tous les noms, Henri de Régnier, Villers-Griffin, tout ça. Villers-Griffin, il y a des trucs qui sont pas mal, encore des poèmes. On lit un ou deux poèmes avec plaisir, et puis trois, ça commence à devenir lourd, quatre, et puis c'est un monde, mais c'est plus du tout notre monde. Et donc cette poésie, là pour le coup, est-ce que celle-ci, elle va nous mettre dans une... Parce que le mot poésie est trop vaste. Quand on compare les poètes modernes avec ceux de l'époque, par exemple, de Christine de Pizan, ou de François Lyon. François Lyon était un écrivain qui était à la limite des anarchistes à ce moment-là. Et je préfère lire Lyon que lire Chat. Non, c'est un sentiment personnel. La poésie, les gens croient toujours que la poésie, c'est l'art de trouver des mots savants à propos des petits oiseaux. C'est pas ça du tout. Hein. La poésie, c'est de considérer l'univers comme quelque chose de beau et d'essayer d'en faire profiter ses voisins. C'est une vision, je veux dire, éclectique, mais c'est une vision quand même artistique de l'écriture. C'est lui Villon, qui a fait la meilleure blague que je connaisse. Je crois que c'est le début du testament. Je suis né à Paris près de Pontoise. C'est pas à Paris, c'était quand même un gros bourg. Le problème pour les poètes anciens, c'est que la langue archaïque en a changé. Alors, quelquefois, on arrive à comprendre que l'œuvre des traducteurs. Parce qu'on traduit le français comme on traduit l'anglais ou le chinois. Pour certains auteurs, quand on se penche sur une littérature un peu ancienne, quand vous lisez par exemple Michel Zévaco, qui est un Marseillais, on parle de Zévaco, Fausta ou Troyes, ça vous fait aborder l'histoire de France d'une manière élégante, qui est à la portée du peuple, mais qui est une manière élégante de parler d'une certaine époque. Tandis que maintenant, on comprend élitisme avec mémoire, c'est de la folie. Et on est à l'époque du Reader Digest, tout le monde sait quelque chose sur n'importe quoi, et c'est ce que je dis toujours. Et maintenant, un type qui a fait quatre fois, qui a divorcé quatre fois, je le dis encore récemment, il vous explique le mariage, ou quelqu'un qui a fait trois fois faillite, il vous explique le sens des affaires. Et les gens qui parlent de littérature, souvent, ont très peu lu. Ils ont lu le rapport qu'ils ont lu sur le Figaro ou sur Libération, peu importe, mais ils ne savent rien de l'auteur lui-même. Alors, quand vous commencez à vous intéresser à l'œuvre d'un auteur, il faut vous intéresser non pas à sa vie, mais à son œuvre. Bien sûr. Mais c'est lié, la vie et l'œuvre. C'est lié, ouais. C'est lié. Justement, c'est lié. C'est lié, mais pas sur les premières œuvres. Il a été étudié, alors que finalement, dans son œuvre, il parle pas de... Il y a des choses très sympas dedans. Oui. Bien sûr, moi, j'ai découvert des vacances, j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai adoré, mais c'est... Par exemple, il était proche, simplement, on fait la télésympathie, c'est tout. Par d'ailleurs, par exemple, moi, c'est un autre problème que j'ai, ça, par rapport au milieu anarchiste en général, c'est cette idée de alors, l'anarchiste et Kissinger, de l'anarchiste à travers le temps. C'est-à-dire que c'est l'époque aussi au XIXe siècle où ils mettent, alors c'est grave aussi hein, qui fait ça. C'est-à-dire que pour essayer de légitimer, mais encore une fois, enfin, l'anarchie vraiment, dans l'opinion publique, est très basse à la suite des attentats. Hein. Ils se présentaient en plus au procès des 30. Les anarchistes se sont jugés en même temps qu'une bande de voleurs, hein, pour procès justement des 19. Et du coup, grave, il essaye, et puis. C'est louable en même temps, il dit bah, j'ai prouvé qu'effectivement tous les anarchistes ne sont pas comme ça, et puis que tous les hommes ont été anarchistes, les hommes qui ont compté ont été anarchistes. Et il fait la liste, alors il remonte très très loin dans le temps, et il dit bah, voilà, au Moyen-Âge, il y a un tel, etc. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui dit mais même les franciscains, finalement, c'est des anarchistes qui s'ignorent, etc. Et je trouve que c'est extrêmement délicat de trouver. Moi, je trouve que les lettres de nouvelles d'un anarchiste sont trouvées dans notre société aujourd'hui, ne sont pas trouvées dans l'histoire, alors que. Il n'y avait pas justement de mouvement ouvrier à l'époque, il n'y avait pas de... Parce que ceux qui ont parlé, par exemple, comme un géographe, vous parlez tout à l'heure de Comorévina ou de Lecto-Reclus, ils ont une vision du monde qui est différente, ayant beaucoup à l'esprit. Ayant beaucoup voyagé, ils ont vu beaucoup de choses différentes du commun. Et c'est pour ça que quelquefois, quand vous lisez quelqu'un qui a beaucoup voyagé, vous êtes séduit. Ouais. Pas forcément par le style, pas forcément par les anecdotes, mais par un ensemble qui vous paraît cohérent. Oui, ouais, mais par l'accueil qu'il peut faire aux autres coutumes, aux autres. Ouais. Et c'est pour ça qu'entre l'écriture et la lecture, quelquefois, il y a toujours cette discussion entre celui qui lit et celui qui écrit. Ouais. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Ouais. Et c'est justement, enfin, là, par rapport au lecteur et à l'écrivain. Bon, l'abandon, par exemple, de la ponctuation en poésie, oui. C'est aussi une façon de rendre. Parce que quand c'est un rythme de lecture. C'est une dictée dans la manière de parler. C'est carrément. C'est une autre question. Est-ce que la vision sociale de l'écrivain, c'est la seule détermination qui conditionne la production d'une forme? Ce que je veux dire, c'est que quand aurait été, en fait. C'est lui qui loue le vers libre ou qui écrit en vers libre, est-ce qu'il écrit en vers libre parce qu'il est anarchiste? Est-ce que c'est sa vision sociale qui conditionne la forme, ou en tout cas la forme littéraire, poétique qu'il va utiliser? Ou est-ce que c'est pas du tout également le contenu de ce qu'il dit qui est en relation avec la forme qui va. Comment ça marche pour vous? Lui, il le dit. Hein. Il dit, ah ben moi, si je suis du vers libre, c'est parce que je suis anarchiste. Mais il y en a plein d'autres qui font vers libre, qui ne sont pas du tout anarchistes. Claudel, c'est le versiculaire de Claudel, là, c'est du vers libre aussi, il n'est pas du tout anarchiste, Claudel. Hein. C'est pas par la forme qu'on peut distinguer une littérature anarchiste. Non, c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de poétique anarchiste. C'est pas plutôt dépendant de la période, je veux dire, en réaction au passé, comme ça s'est fait, par exemple, le collage de pataphysique, le surréalisme en peinture ou en littérature, c'est réaction par rapport à dans l'époque où on vit. Peut-être qu'on parle justement de littérature anarchiste parce que c'est des milieux qui sont très réactifs, c'est des milieux réactifs dont on parle, qu'on qualifie d'anarchiste. Mais il faudrait voir, mais je crois, enfin, j'ai pas fini de tout lire, j'ai commencé d'essayer systématiquement le Jarry. Mais Jarry, je crois pas, alors il y a tout un tas de déclarations bon, anticléricales, etc., mais je crois pas qu'il se prétende anarchiste. J'ai pas vu encore sous sa plume une phrase qui dit je suis anarchiste. Non, je crois pas. Tolstoï, il est anarchiste. T'as pas parlé de la littérature. Il y a Ibsen donc, qui à l'époque était vraiment aussi au centre par rapport au théâtre. Il a été emmerdé, Il y a tout un tas de groupes anarch qui montaient justement des pièces Ibsen et qui étaient régulièrement interrompus par la police. Hein. parce que la police considérait qu'Ibsen c'était un auteur qui était dangereux, etc. Et puis surtout, bon, c'était une manière que les artistes trouvaient aussi de monter le pied-à-terre, de se regrouper ensemble. Mais Ibsen était considéré comme étant un auteur, et puis il y en a un autre avec Bjornstein ou un truc comme ça, un nom imprononçable pour nous. Et ces auteurs qui sont reconnus comme étant anarchistes, c'est Tolstoï. Et Tolstoï, alors moi, ça me fait mal à la patate quand même de dire que Tolstoï est anarchiste. Chrétien. Bon, oui, anarchiste, c'est chrétien. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est que, à partir du moment, pour écrire, vous imposez des règles, comme disait Grave tout à l'heure, si vous imposez des règles dès le départ, vous perdez un peu de la fibre anarchiste. Oui. Parce que vous devenez prisonnier de ce que vous avez décidé. Oui, et je crois que c'est pour ça que mon nom, on a pu penser justement que le surréalisme était très très proche de l'anarchie avec tout le truc d'écriture automatique. Et, mais bon, en même temps que, alors c'est un truc qui est connu, parce qu'en même temps que les surréalistes font de l'écriture automatique, ils se rapprochent du Parti communiste, quoi. Non, puis je suis pas sûr que le fait de s'imposer une règle soit contradictoire avec l'anarchisme quand même. Non. Je veux dire, je prends l'Oulipo. Je dis pas que c'est une littérature anarchiste, c'est pas ça que je dis. En fait, je crois pas que ce soit une littérature aliénée, au contraire. Non, c'est... Je veux dire, parce que parfois la contrainte libère. Oui, c'est ça. Mais elle libère d'autres forces, d'autres portes, d'autres champs, d'autres... Oui, les productrices, la contrainte, Il me semble, oui. Les productrices, oui. Ben, y compris le verre imposé, l'alexandrin, avec la rime alternée, etc., tout ce qu'on veut. C'est aussi producteur de quelque chose de bien. Oui. Donc, je crois pas qu'on puisse dire que le fait qu'il y ait une règle, c'est contraire à l'anarchie, je crois pas. Il y a un grand écrivain, c'est George Orwell. Oui. Qui est anarchiste. Oui. International. Parce que quand il a écrit le roman sur Il n'y a que Nancy qui passe en Chine, c'était un grand précurseur. Oh, le meilleur des mondes. Le meilleur. Si, c'est le meilleur. C'est Huxley. Le meilleur des mondes, c'est Huxley. C'est 1984. 84. Ah oui. Un doux succès. Oui. Mmh. Parce que finalement, c'est pas le tout d'écrire, mais il faut faire quelque chose de ce qu'on écrit. Que ça change, que ça fasse réfléchir, que ça transforme. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, ça sert à rien. Oui. Justement, pour rebondir, l'anarchisme, comment considère-t-il l'œuvre d'art ou l'art? Est-ce que l'art a vraiment une possibilité de transformation sociale? Est-ce que c'est une vraie forme de transformation sociale? Pour Grave, pour Grave, oui. D'accord. Ah oui, ça va mettre même pour Pierre, c'est ce qu'il dit. Après, on sait comment on fait pour arriver à une politique anarchiste, mais Grave et puis tous les gens qui se groupent autour de lui, c'est grâce au réalisme, finalement, on va bien comprendre la nature de notre aliénation et puis ça va nous inciter à agir contre le monde. C'est parce que la littérature reflète le réel qu'elle va nous aider à réagir contre le monde. Et puis pour Guillard, c'est parce que la poésie nous transporte dans un espace complètement différent et nous fait renoncer un instant justement à tout un tas d'habitudes acquises qu'on va être amené petit à petit à transformer le monde. Donc pour eux, non, c'est vraiment quelque chose qui est efficace. C'est pour ça que Grave essaye de réunir tout un tas d'écrivains, essaye de réunir des œuvres à gauche et à droite d'écrivains qui ont manifesté des sympathies, bien malgré parfois, pour l'anarchie. Quand même, enfin, France, enfin, peut-être France. C'est intéressant, c'était les textes de Pissarro. Oui. Pissarro, qui est mort quand même relativement mieux, avait fait des choses qui sont merveilleuses. C'est bon, il avait dit, je crois que c'est journaliste qui avait dit, mais. Qu'est-ce que vous allez devenir quand ça sera une société anarchiste? Il va, tout le monde sera peintre, c'est plus simple, tout le monde sera peintre. Il est essentiellement connu par sa peinture. Oui. Pissarro. Il y avait beaucoup de lecteurs à la fin du 19e siècle en France, mais toutes les catégories sociales lisaient, ou est-ce que c'était quand même plutôt... Bah ouais, les anarchistes sont s'arrêtaient pour les lecteurs, et ils se réunissaient pour lire. D'accord. Et les ouvriers lisaient aussi par les revues, là, par exemple, les revues corporatistes, c'était très... Oui, bah dans toutes les revues corporatistes, il y a toujours des poèmes, des chansons, ou des extraits des feuilletons aussi, non? Oui. Alors, pas trop des feuilletons, mais des petits extraits pour donner le goût, Mais les poèmes, ouais, les poèmes dans les revues corporatistes, alors ça c'est hyper fréquent. Hein. Mais en fait, c'est quand même surtout au milieu artisan qui est concerné. Le milieu proprement ouvrier, il n'est pas là. Il va falloir attendre après, je veux dire, les universités populaires, etc., pour qu'il y ait une prise en compte de la culture. Mais au départ, c'est... Et ça pose un peu la vision, quand on a tendance à voir le monde ouvrier, enfin à confondre le monde ouvrier et le monde artisan. Ce sont deux mondes totalement différents. Oui, l'industrie et puis... C'est ça. Et par rapport à la volonté de changer le monde, il y a un petit type de texte qui a complètement disparu aujourd'hui, dont plus personne ne parle. C'est ce qu'ils avaient, alors, ils appelaient ça des idéologies. Et alors, j'ai trouvé d'autres appellations, ça s'appelle aussi, d'autres appelaient ça des paraboles. Des paraboles, quand ça rappelle quelque chose. La première, mais bon, je parle par russe, donc j'ai pas pu. Enfin, les premières, mais c'est. Le bulletin de la Fédération jurassienne en parle. Il parle d'un moment, en 77, le bulletin de la Fédération jurassienne avait un bulletin d'éthique nouvelle internationale, et ils évoquent en Russie, ils disent, ben voilà, ça va être le procès des camarades qui ont diffusé des petits textes de propagande, des petits romans de propagande. Et ils expliquent brièvement donc en quoi ça consiste, et ces petits romans, ce genre de petits romans de propagande, a été repris vraiment de manière très très massive, et je ne comprends pas qu'on n'en parle plus, parce que même Pelletier en a fait des idéologies, Rété aussi en a fait, tout le monde en a fait, et c'est des petits textes alors, qui sont aujourd'hui, c'est difficile à lire, hein, parce que c'est extrêmement caricatural, et celle de Rété par exemple, alors, il raconte, c'est un monde intemporel, alors ça se passe dans un village, il y a une dame qui a beaucoup d'argent, qui est dans un château, tous les gens triment, et puis, il y a une femme et puis un seigneur qui fait trimer tout le monde, qui fait payer le lourd de taxes, etc. Tous les gens baissent la tête, triment, etc. Et puis la dame, elle est très triste de voir tout le monde comme ça. Et puis, un jour, les récoltes ne sont pas bonnes, le seigneur inflige des pénalités encore plus lourdes, et les gens se révoltent. Et donc tout à coup, la dame sort et elle a le sourire et tout. Il y en a qui disent, mais enfin vous souriez, pourquoi vous souriez? Ah, c'est qu'aujourd'hui les hommes se révoltent. C'est que des récits comme ça qui sont extrêmement caricaturaux. Alors Bernard Lazare aussi. Lazare a fait tout un tas de... Les porteurs de torches, par exemple. C'est l'histoire d'un homme, alors avec le symbole de la torche en éclair, etc. Et c'est un homme qui, c'est un petit peu sur le modèle le modèle littéraire du héros, c'est-à-dire le type qui arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, et donc qui, par les questions qu'il va poser, va révéler tout un tas de choses qui nous paraissent complètement naturelles, mais qui, du coup, dès qu'on réfléchit un petit peu, paraissent quand même bizarres au niveau du fonctionnement social. Et Lazare nous fait débarquer comme ça un homme dans notre monde qui voit tel type de relation, qui dit « Tiens, c'est bizarre, pourquoi vous faites ça ?» Et puis évidemment, les gens disent « Bah ouais, bah, ils n'arrivent pas à trouver les justifications des choses les plus bêtes qu'on fait. Mm-hmm. » Et ces petites idéologies-là, alors, c'était dans les revues corporatistes, donc parfois c'est une page, et puis pour Lazare, c'est beaucoup plus gros que ça. Et c'est un type de texte, un type c'est une écriture romanesque, hein. Une écriture de conte, ça ressemble presque un petit peu au conte philosophique de Voltaire, un petit peu comme Nicomégas, etc. Ça ressemble à ce type de texte, et ça, c'est complètement tombé dans l'oubli, on n'en a plus jamais reparlé. Et on en trouve jusqu'en 1900 à peu près, et après 1900, ça disparaît. Et on trouve qu'il y en a, mais tous les journaux en font, tous. Même que ce soit les guédistes, les allemandistes, ils laissent tous de la place pour faire ces petits textes. Et ils ont disparu, mais alors vraiment, sans laisser aucune trace. Et ça, c'était vraiment l'œuvre de propagande qui devait... amener les gens qui lisaient petit à petit à réfléchir justement sur tous les automatismes qu'on peut avoir dans la société et puis qui font que, comme dit l'autre, ce qui est proche de nous est inconnu parce que souvent c'est trop proche. On ne peut pas prendre assez de recul par rapport à tout ce qui est trop proche de nous. Et c'était publié sous forme de petites brochures, dans les journaux, un feuilleton et une petite brochure. Non, c'était dans les revues, dans les journaux. Je ne connais pas du tout ça. Un recueil arménien, ça s'appelle des historiettes. Il y a toujours des histoires qui sont intéressantes, je ne rappelle plus le site en arménien, hein. Mais où c'est que des histoires qui sont très à la vie courante, mais avec une certaine, pas une morale, mais une philosophie très près du peuple. Oui. C'est, je ne rappelle plus, les arméniens qui... Et apparemment, c'était un gros mode. C'est très, très intéressant. Et c'est un gros mode de propagande en Russie. En Russie, jusqu'en 1900, c'était un très très gros mode de propagande. Et c'était considéré comme dangereux, puisque les compagnons, ils allaient en prison, ils allaient en Sibérie. Hein. Donc c'était vraiment considéré comme être une propagande qui était quand même relativement efficace. Mais pas seulement en France aussi, avec les trimardeurs. Oui. Comme Gaspard des Montagnes, tout ça. Ouais. C'est une tradition de l'air. Hein. Oui. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, ça, oui. Il n'y a plus d'écrivains de tels petits tests. On demandera à l'écrivain de faire un petit test comme ça aujourd'hui, de revenir sur la part. On a Arthur, non? Ou alors on se dit, ouais, alors quand on y sent, on dit, là, qu'est-ce que c'est épais, quoi. Il y avait une forme de parabole, justement, où. Qui disait, un homme, toute sa vie, il cherche à attraper son étoile. Et il n'y arrive jamais. Et un beau jour, son étoile se décide, et elle décide d'attraper l'homme, et elle y arrive toujours. C'est presque un rare, parce que c'est une parabole. C'est très ancien. Moi, j'ai l'impression que, à la charnière des années 20e, plus que la littérature, ce qui était le plus. C'est la littérature aussi, d'ailleurs. Le théâtre, ouais. Le théâtre populaire, il y a des inventaires sur la race du sel, la race du sel, pas d'autres. Et puis les chansons. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas, le nombre de chansons est dans tous les pays. C'était le vecteur principal. Par exemple, Grasse, il recommande. Alors, un des modèles politiques de Grasse, c'est Paul Mallette, le temps d'anarchie. Ouais. Et il dit bah, il faut arriver à faire ça. Il faut arriver à faire la poésie comme Paul Mallette. Qui a fait les. Comment c'est les mémoires de Nézard, je ne sais pas trop comment on peut plus comment ça. Oui, il y a Brousse, Dupont, la chanson. Alors, le théâtre, en même temps, j'avais été surpris par le théâtre parce que quand tu lis les pièces qui étaient surveillées par la police, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Le Guignol aussi. Il y avait, c'est la tête des gens pour le projet de Marseille. Il y a une pièce, par exemple, qui était hyper censurée, qui était le convive de type qui s'appelle Marcelo. Et le convive, c'est simplement un type, son étoile le rattrape en quelque sorte, puisque c'est un repas avec la mort. Et c'était censuré comme étant anarchiste. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la fin du tout. Non, puis je crois que c'est parce que aussi les anarchistes ils faisaient des petits troupes de théâtre itinérantes hein, aussi. Il y avait Fort, c'était le représentant de l'anarchie. Fort était un conférencier hors pair, qui n'était pas ce premier. Il y avait aussi des petits troupes de théâtre comme ça qu'ils avaient monté. Puis c'était une occasion aussi, je crois qu'ils prenaient le prétexte de monter des théâtres pour se retrouver ensemble et pour discuter. Dans le 18e, par exemple, il y avait plein de petites salles dans le 18e arrondissement. Excusez-moi, je suis obligé de partir. À mercredi, Au revoir. Et excusez-moi pour l'intervention, parce que quelquefois je la vois un peu haute. Bon, il t'emporte la porte, un peu montagne. Le Second Empire, et la Commune jusqu'à. Il y en a un paquet là-dedans, il n'y a pas tout. Hein. Dans le domaine de la chanson actuelle, le plus connu de tous les anarchistes, c'est Jean Brassin. Oui, c'est Ferré. C'est un actuel qui est un peu vieux quand même. Brassin, c'est plus accessible à tout le monde. Ferré, non. Moi, j'arrive pas à Brassens. Hein? J'arrive pas à Brassens. Je trouve que. Non, j'aime bien quand j'écoute comme ça, mais autant. Quand j'écoute un truc de Ferré, je me dis, oh merde, salut, j'aurais bien aimé écrire ça. Alors que Brassens, c'est le monde du village, plus. Tout ça, chanson sur la période. Ouais. Mais... Par contre, Brassens est plus populaire que Ferré. Ferré, encore, on en parle beaucoup, parce que c'est l'avenir. anniversaire, mais c'est vrai que tout le monde a fait de dérouler certains salopards et tout, ils n'arrivent pas à ce moment. Rachel, c'est plus accessible que Prédé. Et vous savez, quand on étudie bien ce qu'il écrit, c'est très beau. C'est de la grande poésie, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que c'est ça. Mais il faut être un grand artiste pour écrire de la beauté, simplement. Pour ne pas voir la trace de l'outil, c'est ça là, pour ne pas voir la trace de l'outil. Et Clémence, le chansonnier du 19e siècle, celui qui a écrit, je crois, Le Temps des cerises, et d'autres chansons plus engagées, il a été important dans... Il était plus près, c'est une sensation de Clément. Oui, Clément, oui. Il était plus près, je crois, je ne sais pas si on peut vérifier, mais il n'était pas près des anarchistes. Je crois qu'il était plus du côté parti socialiste. C'est une sensation de C'est la commune qui a récupéré ce genre, mais sinon, je ne crois pas que lui-même, il était tellement engagé. Il était plus du côté des socialistes. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose dans le domaine de la littérature qui émane d'anarchistes, du moins à ma connaissance maintenant, peut-être que vous... Peut-être parce que sinon l'art et la politique, enfin... Déjà, il n'y a plus de politique. Mais oui. Et depuis la littérature, ouais, c'est pour la littérature aujourd'hui. Oh, mais c'est sûr, je ne sais pas s'il y a des distinguos. Il y a quelque chose qui fait un grand ordre à la culture, c'est la télévision. Ouais. Vraiment pour les imbéciles, les émissions. Il y a eu autrefois, il y a bien longtemps, une émission sur la poésie de Jean-Martin Blanc, mais à la télé, c'était dans les années 60, elle a disparu. Ça ne change jamais de dernière. C'est vachement bien. Je me rappelle qu'au école, c'était Libre, mon ami. Oui, c'était bien ça. Mais là, maintenant, quand tu as le libraire, on casse un livre pour 15 jours, un peu plus. Hein. Bon, 15 jours, c'est pas vendu, hop, c'est pilonné. C'est pilonné, ça repart alors. Hein. C'est vraiment. Sur le cinéma, c'est pareil. Si tu vas pas le mercredi quand ça sort, tu vas pas après, il n'est plus. Ça devient le film. Si personne ne va les voir, il y a beaucoup de films qui sortent de l'affiche tout de suite parce que c'est des petits films qui n'ont pas de budget, qui ne sont pas médiatisés. Ouais. C'est là que tu as intérêt à les voir le mercredi soir sans que tu ne les vois plus après. Et puis il y a autre chose, j'élargis un peu le débat. La culture, elle n'est pas accessible au peuple. Hein. Je voulais aller à Aubagne voir l'exposition Picasso. 8 euros pour aller voir l'exposition. Et il faut se déplacer parce qu'elle est à Aubagne. Et ainsi de suite pour tout ce qui est culturel. Les livres sont chers, les DVD sont chers, tout est cher. Il n'y a qu'à la bibliothèque de 21 ans qui n'est pas cher. Mais à part ça. Regarde, 9 euros, son bouquin. C'est plus cher que Picasso. C'est vraiment une chose qu'il faudrait étudier parce que comment faire pour que les gens sortent de leur néant? Ils ont un néant culturel, c'est quelque chose d'invraisemblable. En même temps, enfin, les gens à Paris sont pris dans un tel rythme de vie qui ne reste pas beaucoup de temps pour soi. Quoi. Avec la dispersion de l'habitat, le fait que les gens habitent très très loin maintenant, les loyers sont tels à Paris, puis vraiment pour un proche banlieue, que les gens qui ont un petit salaire sont forcés d'aller très loin de Paris pour arriver à survivre. Donc du coup, ils se lèvent très tôt, ils rentrent tard chez eux, ils ont envie de lire. Moi, pendant des années, je travaillais avec en formation continue. Les étudiants me disaient, on veut lire, mais on n'a pas le temps. Quoi. Quand on rentre, on est fatigué. Yeah, on a envie de dormir, on est fatigué. Alors au début, je dis, non, écoutez, vous avez bien le temps de lire un petit peu. Et effectivement, ils sont trop fatigués. Quoi. Et ça, c'est vraiment des gens, effectivement, qu'on travaille pas très très loin sur l'habitation, bon, on peut arriver à se ménager du temps. On peut... Mais là, non seulement les travaux sont de plus en plus pénibles, mais en plus, on habite loin. Non, mais ça dépend aussi du travail qu'on fait. J'imagine la caissière du supermarché qui a déjà des horaires à la dingue. Je veux dire, elle se fait agresser toute la journée. Quand elle arrive le soir, comment elle peut prendre un bouquin et le lire? Il ne reste plus que la télévision, parce que devant la télévision, on s'assoit, et ça défile, jusqu'à ce que les yeux se ferment tout seuls et commencent à se coucher. Mais je veux dire, c'est ce qu'il faut remettre en cause, c'est le type de société, et pas les gens qui sont dedans. Les gens qui sont dedans, ils sont victimes de tout ça. Oui, moi, les émissions, c'est ce qu'ils disaient, on rentre le soir, on est fatigué, le seul truc qu'on est capable de faire, c'est de regarder la télé. Oui. Effectivement, quoi, ils sont versés, puis hop, ils tombent devant. Et puis, comme des émissions passionnantes. Ouais. Ils sont fatigués, ils ont envie de distraction. Ils sont harcés, ils ont envie de faire ça tout le temps. Mais sauf que les gens, quand ils sont fatigués et tout, ils n'ont pas envie de réfléchir. Arte, ça a changé depuis un an et demi quand même. Hein. Maintenant, alors ça. Ça s'est bien aligné sur les chaînes générales. Alors finalement, les seuls qui ont le temps de faire quelque chose, c'est les retraités. Ils n'ont pas été habitués à réfléchir, ils continuent à jouer aux boules. Les boules et les cartes sont en plus, ça n'empêche pas de lire par ailleurs. Puis les boules, ça peut être quand même. Oui, c'est un entraînement. Mais quand on est vieux, on ne peut plus. Enfin, bon, c'est ça, je vais dire des trucs qui croient.